Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial de Rétro Nouveau. Yeah. En effet, ce soir, c'est un épisode 100% 3DS présenté par Nintendo. On remercie Nintendo pour l'occasion. Merci. Et puis, on célèbre ce soir les 6 ans de la 3DS. Mais tout d'abord, je suis accompagné de... Nick Lachapelle. Hein? Jeff Cron. Fred Jemus. Dom Bourret. Et moi-même, Bruno Georget. Et puis, c'est ça, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va célébrer les 6 ans de la 3DS. On va parler de nos meilleurs jeux, mais aussi, l'épisode est surnommé « Les papas du gaming ». Les papas du gaming, c'est nous autres. Puis, on va vous présenter aussi nos expériences avec nos enfants, parce que la 3DS est vraiment une console portable familiale, donc on a vraiment des belles expériences en multijoueur avec ça. Mm-hmm. Et il va y avoir également des tirages! Oui! Oh, il va y en avoir un au bloc 1 et un au bloc 2. Chaque tirage va faire 2 gagnants. Et puis, pour participer, JF, comment les gens vont faire? Donc, Bruno, tu vas poser une question au public et les gens vont aller sur retronouveau.ca/tirage. Donc, vous allez rentrer votre nom, votre adresse courriel et la réponse et on va tirer au hasard à la fin du premier bloc et avant la fin de l'épisode les 4 gagnants, dans le fond. Fantastique! Donc, retronouveau.ca/tirage. Génial! Ouvrez ça tout de suite, là, vous allez être prêts. Ouais, c'est ça! Préparez ça! Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter. Vous pouvez nous envoyer également vos commentaires et questions à info@retronouveau.ca. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous pouvez aller faire une critique du show sur iTunes. Ça nous aide énormément. Donc, c'est ça. On va commencer rapidement en demandant quelle est la version de la console 3DS que vous préférez le plus? Dominique? Ben écoute, vu que c'est moi le rétro guy, je vais ouvrir avec mes grands souvenirs de la 3DS. Ouais. Et puis, je les ai pas tous possédés. En fait, j'ai possédé 2. La première. Et puis, celle-ci qui est la XL. Hein? Ouais. Ça, c'est la XL. C'est elle qui est venue après. Exactement. Ouais. Donc, j'ai pas essayé les nouvelles, mais ben, je les ai essayées un petit peu. Puis, je les vois ici. Là, vous allez en parler. On les a tous amenés. Donc, c'est une belle machine qui a beaucoup évolué dans le temps. Mais quand même, les highlights, la première, quand c'est sorti, elle venait en 2 couleurs, hein, il me semble. Oui. Noir et puis turquoise. Oui, ouais. Turquoise. C'était vraiment... Oh, on les voit ici à l'écran. Ici, on voit les modèles à l'écran. Variété, ça, c'est bien fait, ça. Fait que c'est ça. Elle avait un beau format. Elle était un beau slickness to it. Oui. C'était luisant, c'était shiny. C'est vrai. Ça faisait propre au début, au début, je veux dire... En tant que nouvelle console portable. Ouais. Oh ouais, puis moi, je l'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai bien aimé aussi le fait qu'elle m'ait donné des jeux de... C'était comment ça s'appelle? Ambassadeur. Oui, les jeux d'ambassadeur. Les ambassadeurs. Que j'ai transféré dans ma XL ici présente. Yes. Donc, puis c'est ça. J'aimais aussi le petit stylus en métal. Oui. Rétractable. Yeah. C'était nouveau, ouais, ça. C'était cool, ça. C'était pas cheap. C'était le fun, ça, c'était pas rétractable. Tu sais, il y avait de la classe là-dedans. C'était très classique, c'est edge ça. De plus. Il y avait un côté bijou un peu. Tu sais, c'était comme l'air un peu comme le lustre d'une... une pierre précieuse, de petit style métal. C'était vraiment le high class. Ça, ouais. Puis, classique et compact. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup joué avec cette machine-là. Et puis, je ne l'ai pas gardée. J'essaie de ne pas collectionner toute dans la vie. Là. Fait que, je l'ai quand même vendue pour upgrader. J'avais envie de la garder, par exemple. À un moment donné, il faut que le portefeuille parle. Mais c'est vraiment une belle pièce de collection, cette 3DS-là. Et puis, sérieux, tu peux jouer là-dessus. Moi, j'avais pas de problème là, du tout. À l'aise, 100% là-dessus. Excellente machine. Yep. Nice. Ouais. Moi, pour ma part, en fait, j'ai essayé pas mal tous les modèles. J'ai pas essayé la New 2DS qui vient de sortir. Mais moi, la New 3DS XL, c'est vraiment mon meilleur format. J'aime le format de la console. J'aime le fait que les coins sont ronds aussi. Ça aide beaucoup. La première 3DS, les coins étaient plus carrés. Ouais. Puis je trouve que pour la prise en main, la XL est encore plus le fun, bien que la 3DS normale, elle est le fun aussi parce qu'elle est vraiment très compacte. Ouais. Puis c'est ça. Puis j'ai aussi beaucoup aimé la 2DS. C'était une machine surprenante de par son look. Oui. Mais j'ai deux amis de mon fils qui en ont. Et puis, ils amenaient ça à l'école. Le vendredi, les jeunes, ils avaient le droit à des machines. Fait qu'ils amenaient ça. Puis, c'est du solide, là, tu sais. Oui. C'est un tank, cette affaire-là. C'est correct. Piché, tu sais. Exact. Puis, c'était correct aussi qu'il n'y ait pas de 3D dedans. Oui. Moi, personnellement, la 3D, j'ai toujours joué avec. Je la mets dans le tapis. Mais c'est pas un game breaker, là, quand il n'y en a pas. Fait que, non, c'est ça. que c'était bon, c'était parce que c'était pas cher. Ouais, c'est ça, mais c'était aussi spécifiquement pour les jeunes enfants, en fait, parce que ouais. Tu sais, la 3D, de la façon dont on s'est rendu, le 3DS, c'est pas idéal, donc c'est des enfants en bas âge, les 2DS sont vraiment plus appropriés, tu sais, fait que t'as pas à te soucier là, par rapport à ça, parce que je pense que c'est vraiment, étant donné que c'est comme deux écrans superposés que tu vois croisés, que t'envoies des choses, pour les yeux des enfants, c'était moins bon, mais les 2DS ont été faites spécifiquement pour ça, là, puis... Tu sais que c'est ça, c'est un tank là. Ah ouais, c'est ça. Mais la prise en main était vraiment le fun, je trouve. C'est vraiment une bonne console pour ça. Ouais, ouais. Puis elle était comme. C'était pas un parfait rectangle. Elle était comme. Il y avait comme un petit angle là-dedans. Ouais, il y a un angle. Il devait faire un livre, en fait. Justement, du flapper. Confortable, ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est une bonne console. Fait que finalement, la New 3DS XL, c'est ma meilleure. Mais là, je me rends compte que j'aimerais peut-être aller m'acheter une 2DS. Parce que j'aime vraiment ça. Fait que. C'est ça. Toi, Fred. Moi aussi, c'est. Comme d'homme, j'avais commencé avec la première. J'ai eu mes jeux, les ambassadeurs. Après ça, à un moment, j'ai décidé de m'en acheter une autre parce qu'à l'époque, j'avais une copine qui jouait aussi. Là, j'avais besoin d'avoir la mienne. Puis finalement, dernièrement, j'ai fait le saut sur la New 3DS XL aussi. Oh, ouais. Donc, je suis vraiment satisfait. En fait, c'est vraiment le meilleur modèle. Puis la raison pour laquelle moi, je la préfère, c'est vraiment la technologie qui permet... De replacer la 3D par rapport à où on se positionne. Ouais. Donc, avant, il fallait se positionner soi-même par rapport à la console pour bien voir la 3D. Puis dans ce modèle-ci, en fait, il y a comme du tracking de visage qui permet justement de la 3D de s'enligner et tout. Ouais. Puis, ce qui est un essentiel dans le métro, honnêtement, là, quand ça brasse un peu. Oui, les jeux, les gyroscopes et tout. Dans le métro. Ça brasse pas. Les jeux avec les gyroscopes, ça fonctionne super bien. Ouais. Puis moi, en partant, j'ai vraiment une mauvaise vision. Puis quand les films 3D sont arrivés, j'ai découvert assez vite que j'avais du chemin à faire. Puis tu sais, ça a pris bien des maux de tête pour être capable de passer au-dessus de ça. Puis la 3DS, je trouvais que c'était justement un bon outil par rapport à ça, justement pour m'habituer les yeux à la 3D. Mais bon, avec les jeux, des fois, ça bougeait et tout. Fait que la New 3DS XL, maintenant, quand je joue, c'est comme la Cadillac. Je suis ben peinard chez nous. Là. J'ai plus de problème à me focusser mes yeux sur la 3D. Mais moi, il y a de quoi que j'ai pas mentionné tantôt, mais j'ai beaucoup aimé aussi au début m'amuser à prendre des photos en 3D. Ouais, ça, c'était cool. C'est incroyable à quel point ça fonctionnait bien. Puis là, j'y pense. J'ai dit, je devrais aller prendre des photos avec. J'en avais des photos de Pug. C'est vraiment le fun. Pug 3D. Toi, Nick. T'as l'air d'avoir toute une collection, là. Ouais, ben moi, je les ai pas mal toutes essayées. Tu sais, j'ai eu la chance de les prendre en main chacune. J'avais quand même des... Tu sais, je te dirais, mon cœur balance. Là, l'original était le fun parce que tu pouvais mettre une poche de jeans, tu sais. Oui. Ouais. Là, dans le métro, justement. Poche une poche de jeans de... Pas trop stretch, mais pas trop homme, slack là, non plus. Ouais, pas des exhausts. C'était bien correct. Ou une poche de manteau. Une poche croisée, là. Des jeans de... Ouais, exact. Des fat pants, mais tu peux mettre ça dans des jeans normales. Mais par contre, tu sais, la New 3DS XL... Elle te permet d'accéder à certains titres. Là, dont, ben, il y a aussi le stick qu'ils ont rajouté, là, qui est nettement pas désagréable. Le stick est vraiment pratique. C'est ça. Ça, c'est XL. Ça, c'est le dernier modèle. Là. Ouais, c'est ça, en plus. Okay, okay. Non, puis je trouve aussi que le son est très bon sur la New 3DS XL. Là. Ouais, ouais. Elle est plus mince aussi. Ben, moi, c'est surtout les exclusivités des jeux. Il y a une coupe qui est fun. Elle a un feel plus mince un peu. Le dessus, il est comme plus flat. Je dirais dernièrement le shout-out, là c'est la New Nintendo 2DS XL. Ouais. Comme un nouveau produit, mais elle est vraiment belle, elle est comme néon. Ouais. Ben, en fait, moi, ce qui est le fun, c'est que ben, le prix est en conséquence aussi, donc c'est un bon entrée de gamme. 50$ de moins. Oui, exactement. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme on dit tout à l'heure aussi, pour les enfants et tout, ben des fois, tu sais, quand tu as plusieurs enfants qui se battent pour la 3DS, ben, tu sais, au moins, là, tu as comme l'option de faire le pas pour être sûr d'être. Ouais. D'être en avance sur les prochains jeux qui s'en viennent puis être équipé pour être sûr de pouvoir les rouler, mais en même temps, ben, tu sais, t'as quand même encore le côté plus portable, disons, que l'autre New 2DS. Donc, pour un enfant un peu plus vieux, c'est quand même. Ouais, c'est cool. Donc, c'est un beau cadeau de Noël. T'avais la pièce d'en face à Fred. Excuse-moi, je cachais ton visage. Je la cachais avec une belle console. C'est ça. Ouais, ouais. Toi, Jeff, t'en avais-tu une préférée? Yes. Ben, moi, j'en ai eu seulement une dans ma vie, puis c'est celle que j'ai en ce moment, qui est la New 3DS Black Edition. Ah ouais, mais la plus belle. Jeff, passe une trottinette à une belle. C'est pas la XL. Tu sais qu'on avait remis là-bas avec l'éclairage, là, mais en fait, non, c'est pas la XL. Magnifique, là. C'est la New 3DS, mais de version standard, cool, en fait. Que, ouais, j'aime beaucoup le fini. Je trouve que le design sur le dessus est subtil, mais il est bien, tu sais. C'est propre. Puis non, pas trop grosse, pas trop petite. Parfaite pour les besoins dans le transport. Là, d'ailleurs, on a aussi les boutons de couleur. De couleur, ouais, ouais. Ouais, Famicom, beau, Super Famicom. Sous famille. Ouais. Au Japon. Ouais, moi, j'adore quand ils font ces malheureusement, choses-là. Je pense qu'elle n'est plus disponible, celle-là. Elle était seulement pour le Black Friday l'année passée. Donc, c'était une édition. C'était les gros bidous, si vous voulez. Tu vas pouvoir la vendre, man. Non, je la garde proche de moi. C'est ton fonds de pension, ça, moi. Par contre, on parlait justement du dessus et tout. Ce qui est le fun aussi sur la New 3DS, c'est le fait qu'on peut changer aussi les covers maintenant. Oui. Donc, tout ça, c'est pas négligeable. Il y a des belles choses disponibles. Je savais pas. Dans les magasins. Ça peut donner une seconde vie, parce que ça va avoir 6 ans, honnêtement. Moi, je l'utilise encore. C'est ça. Quand tu as encore des titres qui sortent, tu repars. Moi, j'ai un cover de Alf. Ça s'il vous plaît, Nintendo. Ça me rappelle ma merveilleuse Game Boy Micro. Il y a ça aussi. Tu peux changer le faceplate. Ça fait partie de l'histoire de Nintendo aussi de changer ça. Tu fasses ces faceplates-là, version comme pour ça. Comme un throwback, tu sais, à la Game Boy. Ça n'est pas tous beau, par exemple. Il y avait des fleurs. C'est ça, les éclairs. C'était très 2000. Ouais, totalement. Fait que là, je vais vous poser la question pour le premier tirage. Oui, vous avez tout le premier bloc pour y répondre. Donc, la question, écoutez bien. Quel est le nom du professeur dans Luigi's Mansion Dark Moon? Oh. Quel est le nom du professeur dans Luigi's Mansion Dark Moon? Un jeu d'ailleurs qui se retrouve sur la Nintendo 3DS. Vous pouvez répondre. JF, tu rappelles l'adresse? Vous allez au retronouveau.ca/tirage. T-I-R-A-G-E. Hey. Facile comme ça. Ouais, simple de même. Allez répondre, puis fin du premier bloc, je vais tirer deux gagnants. Yes! Donc c'est ça, fait qu'on va commencer avec notre premier bloc. On va parler de la 3DS et des jeux co-op. En fait, on va parler de nos meilleures expériences avec nos enfants et la 3DS. Donc je vais partir le bal. En fait, moi je voulais parler de Animal Crossing New Leaf. Moi ça c'est un jeu, le premier Animal Crossing, j'ai joué un peu. Le premier Animal Crossing, c'est bien ça? Oui, exact. Puis le premier Animal Crossing, j'ai comme c'était ma blonde qui jouait à ça. Puis j'étais pas sûr si j'étais vraiment le public. Puis c'est ça, deuxième sur la Wii, puis tout ça. J'ai commencé à connaître le jeu un petit peu plus. Puis là, ma fille est rendue à l'âge où elle s'intéresse vraiment à ce genre de jeu-là. Puis le nouveau Animal Crossing, elle joue énormément. Puis c'est vraiment le fun en fait, parce que elle, le fait qu'elle joue, puis tout ça, on a joué beaucoup ensemble. Puis justement, on regardait le jeu ensemble, on regardait comment aller découvrir des nouvelles affaires, comment débarrer des nouveaux trucs, puis tout ça. Je l'aidais beaucoup avec ça. Aussi avec le nouveau support des Amiibo aussi, qui est très populaire. Entre autres, même chez les enfants, ma fille les veut toutes, ça va me coûter une fortune. Ben beaucoup. Mes gars, ils trippent là-dessus. C'est vraiment incroyable. Mais je trouve que ça peut être quand même une belle expérience avec les enfants, entre autres à cause qu'il y a du texte, il y a énormément de texte là-dedans, fait qu'il faut que ton enfant sache lire. Dieu merci, aujourd'hui tout est traduit. Oui. En parler dans mon jeu tantôt, mais ça change tout. Tout est traduit, puis les traductions chez Nintendo sont excellentes. Oui, c'est vraiment un des super bons jeux en français. Oui, il y a une touche, c'est une traduction québécoise en fait. Oui, c'est légèrement adapté. C'est ça, tout à fait. Fait qu'on a quand même cette chance là. Tu peux voir des fois des trucs, des expressions québécoises, c'est comme il y a du bon travail qui s'est fait au niveau. Ah ouais, vraiment. Nintendo. On l'aime bien, mais c'est ça, moi, Animal Crossing, ça a été une belle expérience, mais tu sais, c'est ça, je l'ai joué plus en solo, mais avec mon enfant, j'étais tout le temps à côté, puis on partageait le jeu. Comme ça me rappelait justement mes vieux jours de NES où t'avais un jeu à un, mais que tu jouais à deux finalement. Fait que des fois aussi, t'as des expériences co-op comme ça qui sont assez intéressantes. Fait que super bon jeu pour la famille, sérieusement, Animal Crossing New Leaf, ça se joue très bien, puis c'est très long. Il y a du contenu là-dedans. Ouais, c'est pas sens, ça. C'est un jeu assez relaxant, tu sais. Mettons, tu joues à ça. Tu sais, pour les enfants, des fois, là, c'est quand même stressant. Ta vie, t'as des examens, le sport, tu sais, comme c'est cordé les games à 6h le matin. Puis ça, c'est un jeu, je trouve, tu sais, que ça relaxe. Animal Crossing, tu joues à ça, t'es comme, D'ailleurs, la musique... Juste écouter la musique, tu peux les. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils écoutent la musique d'Animal Crossing quand ils sont en période de stress en travaillant parce que ça fait du sens. C'est tellement apaisant. Ça te rend constructif, là. C'est très travaillant. Je vais l'essayer demain. J'ai une grosse semaine. Écoute, c'est parfait cette musique-là. T'écoutes la musique d'hiver, la musique d'automne. T'es relax. Il y a la musique de nuit, la musique de jour. C'est fantastique. Fait que c'est ça. Sinon, après ça, écoute, il y a Dom. Ben écoute, moi, chez nous, quand je pense enfin 3DS, ça plonge tout de suite dans l'univers Pokémon. Ouais. Et puis, c'est mon plus vieux qui a comme accroché solidement sur les Pokémon et qui a entraîné son petit frère dans la piste. Et son et le père aussi, parce que... Oui. Moi, j'ai pas essayé la série Pokémon sur 3DS, ni les versions précédentes encore. Ça va sûrement venir un moment donné, parce que ça me semble être un RPG accessible. Tu sais, c'est très accessible. Ouais, c'est très et basé, ben, on a essayé XY pour commencer, puis après ça, Sun and, Moon. Mais en tout cas, il voulait tout le temps la version bleue, tu sais. Il aimait celui qui est comme un cerf, là, je sais pas, il accroche sur les personnages. Puis bon, moi j'ai écouté les saisons X, Y et Z avec mes enfants. Puis d'ailleurs, j'ai comme complètement capoté là-dessus. Ben oui. J'ai accroché là-dessus comme un malade. Toujours du Greninja. Ouais, ouais, moi. T'as vécu des émotions au Pokémon. Sacha Nobby, Dom nous en parle avec. Dom nous en a parlé avec toi. Il n'y a rien de plus badass que Sacha Nobby dans la vie. Puis c'est ça, puis ce que je me suis rendu compte avec les explications de mon garçon, c'est que ça reprend la série télé. Les personnages, les lieux, la ligue de Kalos, tout, man. Fait que moi, j'ai trouvé ça totalement fascinant. Et puis, comme on disait tantôt, les jeux sont traduits aujourd'hui et la traduction est comme numéro un. Il n'était jamais perdu là-dedans, il savait quoi faire, c'était simple. Pas toujours simple, par exemple. Et puis, il a vraiment trippé. Il les a fait les deux back-à-back. Il les a pas juste fait, tu sais. Il les a grindé. Ces Pokémon sont badass. Là. Le boss de fin meurt, tu sais. Ah, ouais, ben, tu sais, Pokémon, ils ont gardé aussi le côté collaboratif où, tu sais, t'as encore des exclusivités. Là, si quelqu'un a une version, soit le X, le Y ou le Sun, le Moon. Pis, absolument. Tu sais, le Dinko des avec son t'sais. Ami aussi. Exact, c'est prêt à l'école. Il a acheté Sun, en fait. Ah, c'est vrai, il m'a fait acheter Sun parce que son ami avait Moon. Ah, ouais. Tu peux t'échanger des Pokémon. Ouais, puis là, ils évoluent de façon différente ou sont juste pas disponibles. C'est ça, c'est une façon aussi justement d'amener un peu de coop sans nécessairement devoir être toujours comme en train de jouer ensemble. Ça te permet de justement ben, compléter à deux. T'es capable d'avoir le jeu complet finalement. Donc, ah ouais, vraiment une raison d'essayer d'avoir justement de trouver un ami. Mais ça c'est le fun parce que contrairement à avant, moi j'ai sur la Game Boy originale avec ton espèce de Link là, que tu connais, c'était inconfortable. Ben, t'étais comme à même pas 20 cm dans ta vie. Là tu peux être dans le divan à côté là, avec le Wi-Fi. Tu vas aller. Le Wi-Fi. Ben, tu peux être plus loin. De proximité. Ouais, aussi même en ligne. C'est vraiment le fun. Ah oui. Un très beau produit. C'est une belle série de Nintendo, encore une fois. Vraiment. Bravo d'avoir mis le grappin sur cette série-là. Parce que c'est vraiment important pour Nintendo. Puis ils le font très bien. Ouais. Ah oui. Beaucoup de plaisir. Accessible. Fred. Yes. Ben moi, c'est sûr que. Bon, en partant, on va mettre au clair. Je suis pas encore papa, mais tu sais, je suis prêt pour ça. Puis justement. Ben, t'as un chien. J'ai un chien. Ouais, ça compte. Il joue à Nintendo tout le temps. Ça compte, mais j'ai bien de la misère à jouer avec lui à Super Mario Maker. Oh, ouais. Donc, ouais. Moi, Super Mario Maker, c'est le jeu que avoir eu 8 ans quand c'est sorti, j'aurais explosé. Ouais. Ah, ouais. Donc, moi, dans la vie de tous les jours, je conçois des jeux vidéo et tout. Puis, plus jeune, l'affaire qui me faisait vraiment triper avec un de mes amis en 3e année, Olivier, on le salue d'ailleurs, c'était de dessiner des tableaux de Mario Bros. Pendant nos cours. Oui, dessiner des jeux vidéo. J'en sur des feuilles quadrillées. Exactement. Ah, ouais. J'en ai tellement fait des labyrinthes, des trucs. Écoute, ça n'a pas arrêté. Puis quand j'ai vu pour la première fois Super Mario Maker, c'était. Oh my god, c'est vraiment exactement un peu le fantasme qu'on avait de justement être capable de faire des niveaux comme ça. Puis tu sais, les éditeurs de niveau, ils en sortent vraiment assez souvent maintenant dans les jeux et tout. Mais un éditeur de niveau aussi bien fait puis aussi facile d'approche que celui-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc tout est super intuitif. On garoche pas trop vite dans toute la loupe de création de niveau. Donc, on donne vraiment les outils au fur et à mesure. On fait expérimenter. Ouais. T'es vraiment obligé, dans le fond, d'explorer le jeu pour pouvoir avoir accès à encore plus de créativité. Donc, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que c'est difficile des fois d'expliquer mon métier, spécialement des fois à un enfant un peu. Ouais. Puis ça, c'est exactement la façon la plus simple de l'expliquer finalement. Ouais. C'est de dire... Regarde, c'est un peu ça que je fais dans la vie de tous les jours. Exact. Des jeux vidéo. Puis ça, je trouve que c'est une façon de démocratiser la patente. T'sais, maintenant, c'est sûr que nos outils ne ressemblent pas à ça. Dans, non, mais c'est comme une version simplifiée. Exactement, mais c'est le principe est là. Tu peux l'expliquer à ta mère aussi qui a toujours pas compris ce que exactement. Tu fais. Exactement. Ah, j'utilise toujours les jeux de société, mais là, celui-là ici, c'est vraiment facile. Puis bon, en plus, ce qui est le fun avec ça, c'est que, bon, évidemment, c'est de se partager les niveaux. Sur la version 3DS, on peut se partager les niveaux en proximité, des fois aussi en street pass. Donc, tu sais, si t'es vraiment dans un building avec ben des gens qui font des jeux, ben t'as des bonnes chances d'avoir des bons niveaux. Mais aussi, tu sais, justement, à deux, ben tu peux te permettre de partager les niveaux, de les envoyer l'un à l'autre, puis de t'envoyer un peu des défis par rapport à ça. Donc, c'est vraiment... Honnêtement, moi, j'ai tellement passé d'heures là-dessus que des fois, je me suis dit, il va falloir que j'arrête parce que, tu sais, ça fait trop de jeux, de conception dans une journée. Ben, mais... t'as rien qu'à passer ça en temps comme dans recherche et... Exactement. recherche et développement. Mais moi, c'est ça avec mon fils. Il joue beaucoup à ce jeu-là. Puis souvent, justement, son gros fun, c'est d'inventer un tableau. Puis là, de me le faire essayer, voir ben si oui, je vais réussir. Ben oui. Parce que dans ce jeu-là aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand tu veux sauvegarder un tableau, en fait, faut que tu l'aies terminé. Il faut que tu aies réussi à jouer au travers. Ouais. Fait que des fois, de voir, admettons que moi, je réussirais pas un tableau, lui, il capote, il est super heureux, fait qu'il va ajouter des affaires pour que ça soit plus difficile pour moi, puis tout. Fait que c'est... Sérieusement, jouer à ça avec ton enfant, c'est génial, parce que ça lui permet de comprendre aussi l'importance du level design. Chose qui est difficile à expliquer, comme tu disais. Exactement. Là, c'est vraiment... Les designs des niveaux, c'est une belle, grosse job, là. Ben, tu sais, c'est un outil de créativité pure. C'est ça qui est le fun. C'est comme des Lego, mais, tu sais, virtuel, on peut dire. Il y a d'autres jeux comme ça, mais lui, c'est quand même l'univers de Mario. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on a voulu depuis tout. Ben, ça bat tout. C'est drôle, parce que c'est ça. C'est l'univers de Mario, ça bat tout. C'est super intuitif, justement, parce que, tu sais, avec le style et tout. Mais pour ceux qui se rappellent de Mario Paint, qui est plus de notre époque. Oui, oui. Moi, j'ai vraiment le feeling que j'avais, c'était de jouer au Mario Paint que je voulais avoir. Parce que dans Mario Paint, évidemment, avec les briques de Mario, tu peux te faire des niveaux et tout. Mais là, tu sais, ça, c'est. Ben là, tu peux le jouer pour de vrai. Ouais. C'est vraiment un jeu vraiment extraordinaire qui vaut la peine, justement, de partager. Un rêve devenu réalité. Exactement. Yes, Nick. Ouais, moi, je vais vous parler de Luigi's Mansion. Yes. Parce que, tu sais, moi... C'est un launch, hein, ça, je pense. Launch title. Non, c'est venu un peu plus tard, en fait. Ouais. Okay. Mais tu sais, c'est vraiment le... C'est la suite qu'on attendait là, du jeu GameCube par excellence. Moi, mes enfants sont un peu trop jeunes pour jouer spécifiquement à Luigi's Mansion, mais dans les histoires que je compte à mes enfants, des fois, tu manques d'imagination. Puis c'est rendu tes personnages. Ouais. C'est Luigi puis Mario, puis ils sont là. Ils font partie. Puis, tu sais, over the shoulder, là, où des fois, quand tu joues à ça sur le divan, ma fille, elle a de l'intérêt, elle regarde ça, mon garçon, tu sais. Puis. Je le mets en 2D, bien sûr. Mais tu sais, c'est le fun. Puis cet univers-là, c'est vraiment, pour moi, une espèce de must. C'est comme un peu Mario qui rencontre Ghostbuster d'une façon... tu sais, comme loufoque, là. C'est pas épeurant, tu sais. Non, c'est très humoristique. C'est exact, c'est un avec peu... Avec Luigi qui siffle la toune. Ah oui, tu sais, ça en fait... En même temps que la toune, c'est carré. C'est un peu... Ça fait des surprises, mais tu sais, c'est quand même. C'est quand même juste. C'est pas épeurant, là. C'est vraiment un beau jeu. Mais c'est plein de trésors puis de secrets. Ouais, tu peux explorer ça tranquille. C'est pas très difficile, tu fais un saut. Exact. Ouais, non, ça se fait bien. Hein? C'est un bon jeu, je pense, justement, pour les plus jeunes, parce que les mécaniques, il y en a pas beaucoup, puis sont vraiment bien expliquées, puis tout est. Les mécaniques sont assez simples. C'est ça. Puis mon gars capote sur Ghostbusters, puis il joue à ce jeu-là, puis il adore, là. C'est tellement bon. Tu sais, c'est ça. Puis en plus, tu sais, ce que j'aime, c'est. C'est un peu un type de platforming qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. C'est du 3D. C'est pas du 2.5D. Là, c'est vraiment du 3D platforming un peu plus classique. Ouais. Comme on avait à l'époque, justement, le Early GameCube. Puis, mettons, il y en a qui vont un peu 64. Mais t'sais, c'est vraiment... J'aime cette espèce d'approche-là qui est plus rare. Puis en plus, ce jeu-là est vraiment bien fait. Puis dans le premier, Luigi's Mansion, c'était un seul mansion. Ouais. Là, on parle de 5 mansions. Puis t'as encore le professeur que je ne nommerai pas. Tantôt que je pense à la faire, une question de faire... Exact, tu sais. Fait que là, je peux pas dire son nom, mais il est des choses loufoques. Puis c'était amusant. Puis avec son langage qui me... totalement du langage d'Animal Crossing, là, genre du gibberish. Fait que tu sais, c'est comme... c'est vraiment, vraiment... c'est le fun, c'est un jeu plaisant. Puis ça, c'est un autre jeu qui est, c'est pas trop frustrant, tu sais. Non. Il est pas trop difficile, il y a un peu de difficulté, juste assez pour avoir un feeling de fun quand tu réussis quelque chose. Ouais. Mais non, vraiment bien balancé, une belle expérience, honnêtement. Un jeu que je possède toujours pas, mais que je veux dans ma collection, rien que pour jouer tranquille. Parce qu'on a joué dans des événements Nintendo. Oui. C'est pour ça que je pensais que c'était un lunch tantôt, parce que dans, on était allé, puis il me semble, en tout cas, early on. Il y avait un démo très tôt, parce que ça commençait, Mais c'était bien plaisant. Mais c'est un incontournable pour moi dans la collection. C'était un 3DS, ça te prend Luigi's Mansion. Ouais, c'est, absolument. C'est le jeu qui a le plus d'ambiance, je trouve. Hein? Qui a le plus de d'atmosphère, justement. T'sais. Mario! Tu joues. Je trouve que l'ambiance sonore de ce jeu-là est assez impeccable. Là. Faut que tu joues à ça avec des écouteurs, absolument. Ah ouais? Ça vaut la peine. T'sais, en tout cas, beau titre. Moi, m'a vraiment accroché celui-là. Yes! Prochain. Moi, je vais continuer avec Mario Kart 7. Ah comment pas parler de Mario Kart? Exact. C'est vraiment un incontournable. Puis c'est ça, celui-là, c'est simple. Je joue avec mon gars puis ma fille. On se fait des games n'importe où. Puis c'est vraiment, sérieusement, c'est vraiment... c'est pas mal, ben c'est ça, c'est la meilleure expérience de Mario Kart sur un portable, la meilleure expérience de course même sur un portable, je trouve. Ça se joue vraiment très, très, très bien. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a, autant de courses nouvelles que de courses classiques. Que tu connais classiques, déjà un peu, que tu connais déjà, je pense qu'il y en a 16 des classiques. Puis là-dedans, c'est ça, tu pouvais voler, puis en plus, tu pouvais aller en dessous de l'eau, chose qui était totalement nouvelle pour la 3DS, la version 3DS. Puis sérieusement, pour ce qui est du des petits quickies, des petites games rapides là, vraiment là, tantôt tu sais on a parlé beaucoup de quests puis des trucs comme ça. Ça c'est vraiment fait pour des petites games rapides. Pis ça se fait vraiment bien. Puis c'est un jeu qui Mario Kart ça a comme pas d'âge, on dirait. Non, c'est un jeu qui passe le temps là parfaitement. Ce jeu là est sorti depuis un bon bout de temps, c'est à 3DS. Puis malgré le fait qu'il y ait eu d'autres versions par la suite, j'y retourne vraiment souvent. Ouais. Parce que c'est vraiment impressionnant de voir tout le contenu qu'il y a dans une aussi petite cartouche, sérieusement. Ouais. Ah ouais, mais c'est vraiment complet. Celui-là, tu sais, c'était le 7, puis il a introduit, tu sais, comme les courses sous l'eau, le Deltaplan. Le Deltaplan est arrivé là. Qui a été repris pour le 8, tu sais. Puis vraiment, là, tu sais, ça, là, on peut pas dire qu'il faut faire ça nécessairement, mais tu sais, pour moi, je l'utilisais énormément en avion, ce jeu-là, OK, tu sais. Quand t'es en avion, tu pars une game de Mario Kart qui va durer tout le long de ton voyage. Ouais. Fait qu'imaginez un Québec-Montréal, tu sais. Tu passes ça à tes enfants, là, ça peut... Ils sont chanceux d'avoir ça. Tu débloques toutes les courses, tu sais, genre. Il y a vraiment une belle progression que tu peux faire. La customisation qu'il avait rajoutée dans le jeu aussi, qui était le fun, moi, je trouvais personnellement. Et surtout, tu peux jouer en multijoueur avec une seule cartouche. Exact. Ça c'est cool. En mode download, c'est vraiment génial. Puis, tu sais, c'est pas... C'est pas comme une version de démo, c'est vraiment toutes les courses, tous les trucs. Ouais, exact. T'as vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Ça, c'est quelque chose de génial avec la 3DS. Il y a ça souvent, tu sais, que tu as une cartouche puis tu peux jouer au jeu en multi. Exactement. C'est vraiment pratique, là. C'est un vrai... Un bon paquet bien ficelé. Un bon paquet bien ficelé. Ah, c'est vrai, c'est le nouveau trip. Ah ouais, c'est une belle expression. Je me sens fargé dans l'émotion du moment. Mais moi, j'ai adoré ça. J'ai justement un beau moment avec mon gars et ma fille. On joue sur notre 3DS. Puis moi, je suis en avant dans l'auto passager. Les autres sont en arrière. Puis justement, voyait qu'il jouait un jeu de char dans un char. C'est fantastique être méta de même. T'étais j'ai perdu en passant. Okay, tu conduisais toi avec? Non, je conduisais pas, par exemple. J'étais passager, mais j'avoue que tu es en avant, tu regardes la route, t'es comme pas sûr vraiment. Là. T'es mieux de jouer dans ton salon. C'est moins stressant, tu sais. Mais non, vraiment, un excellent jeu en multijoueur. Puis comme je dis, c'est facile de se faire des games rapides à ça, vraiment. Là. Puis on fait aussi des fois des time trials où on va se passer la 3DS puis on va essayer d'aller le plus vite possible l'un après l'autre. Évidemment, je laisse quelques chances. Ben ouais, écoute. Hein. Papa un jour, papa toujours. Mais papa est pas tout le temps le meilleur. Puis ça, des fois, je t'avoue que ça me fait un petit pincement. C'est ça la force de Mario Kart. C'est qu'il y a un petit élément, justement, comme ça, qu'on amène des fois d'un peu de hasard, que certains vont chialer, surtout avec la carapace bleue, puis c'est piquant. Mais tu sais, ça fait en sorte que... ça brouille toujours un peu les cartes, ça donne des chances à tout le monde. Puis ça, ouais, honnêtement, ça fait en sorte que quand tu joues à une soirée de jeu ou avec, ouais, tes enfants, ben ils se font pas juste battre à plat de couture, ils ont vraiment l'impression de gagner pour, ouais, de vrai. Puis ça, c'est, ouais, important pour leur donner le goût de continuer à jouer, justement. Et aussi, ce qui est le fun des jeux Nintendo comme ça, c'est que j'ai pas besoin d'expliquer à mes enfants comment, ouais, jouer. Ouais. Il s'est jamais arrivé qu'ils n'ont pas pris un jeu. Il est capable de jouer Mario Kart. Là, ouais. Ça, c'est parfait. Pick-up and change. C'est incroyable. Il met son deltaplane. Ouais. Il joue. Là, ouais, merveilleux. J'adore, ouais, ça. C'est, ouais, vraiment incroyable. Fait que next, Dom. Ouais, là, parlant de mon plus jeune, justement, il regarde son plus vieux jouer à Smash. Et puis, à un moment donné, il aime, ce que j'aime aussi de mon plus jeune, c'est qu'il... Mon plus vieux, il se fout de mes jeux. Il y a comme je dis, je l'ai déjà dit, c'est chaud. Il y a, ouais, un univers de vidéoludique chez eux. Il regarde jamais ça. Mais mon plus jeune, oui, il fouille à travers mes jeux. Il sort, ah, tous, oui, les Kirby, hey, tous les jeux de Mickey. Puis là, il a sorti Kid Icarus Uprising. OK. Il a dit, hey, il y a Pit. Eh oui. Là, il a comme, eh, flashé, oui, sur, oh, Pit parce qu'il avait, vu Pit dans Smash. Eh oui. Sur, ah, puis le Pit de Smash, c'est le Pit d'Uprising. Ben, exactement. Qui était, je pense, pas loin d'être un launch title aussi, ou dans, ouais, les mêmes événements qu'on jouait. C'est dans le launch window. On l'a vu, ouais, on l'a essayé souvent en démo, ouais, dans le temps, Kid Icarus. Et puis, moi, tout de suite au départ, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là dans les événements où est-ce qu'on allait. Et puis, j'aimais les deux aspects shmup, tu sais, comme, ouais, ouais, shmup frénétique, là, directionnel, c'est ça qu'on voit à l'écran, ouais, assez rapide, puis plateforme aussi en même temps. Ouais, fait c'est que, vrai. Quand j'ai montré à mon plus jeune tout ce que Pit faisait là-dedans, il trouvait ça bien ben le fun, tu sais. Puis j'aimais aussi tout l'enrobage autour de ça, tu sais, ouais, les voix, ouais, les petites jokes, là. Tu sais, c'était le scénario, il était intéressant. Ah ouais, c'est un super jeu, puis aussi, tu sais, on parle, tu sais, tout à l'heure, on parlait de gameplay... des fois qui sont un peu particuliers, tu sais, comme je parlais de Luigi's Mansion, mais ça, il, ouais, y a pas grand, je pense pas qu'il y a d'équivalent là, que je me rappelle, tu sais, la façon dont tu peux contrôler avec le stylet ou l'autre D-pad, là, ouais, que tu, ouais, peux ouais, fait, ouais, c'est une expérience unique cette affaire-là, tu sais, c'est vraiment différent. Ben moi je jouais à une main, puis je jouais sur ma première 3DS, donc elle était, ouais, pas trop lourde, fait que j'étais, ouais, capable de jouer à une main, en tenant une main, ça faisait la job. Avec le petit rack aussi que ça venait, ben c'était encore mieux, ouais, mais j'ai jamais eu de problème véritable avec ça. Et puis, c'est quand tu penses que tu finis le jeu, oh, bon, spoiler, ça va beaucoup plus loin. Là. Okay. Et puis, il y a une très grande quantité d'armes et puis de mix. Tu peux mélanger des, ouais, des armes et puis des trucs pour faire un plus grand inventaire encore, des armures, tout ça. Donc, c'est un jeu rempli de stock, très complet. Puis, un bel item de collection aussi parce qu'il y a une belle grosse boîte. Ouais. Ouais, moi, une boîte en carton à chercher. Ah, ouais, c'est vrai, ils vont se maganer. Donc... des petits sachets. J'attends juste que Pure Retro Protection fasse une shape de, yes, plastique protecteur pour ma boîte d'Uprising. Eh ça va, oui, venir un jour. Mais sérieux, je pense que c'est un jeu sous-estimé. Ouais, ben moi aussi, je l'ai sous-estimé. Les gens n'ont pas assez joué à ça. Faut que j'y retourne. Faut lui donner une plus longue chance parce que, mm-hmm, c'est un gameplay unique. Ouais. Ben sur la 3DS en tout cas, ouais, ouais, qui mélange deux styles très différents, mais la scénarisation de ça, c'est brillant, donc c'est un excellent package. Et yeah, puis mon plus jeune, clairement, quand il va avoir les mains un peu plus musclées, il va pouvoir tenir ça puis embarquer dans l'aventure, ouais, ça c'est certain. Ça va déjà être un pro, ouais, yes. Mais Pit est bien populaire chez nous, ah. Petit Pit. on l'aime Petit Pit, un archer. Écoute, je vais enchaîner aussi avec un autre jeu un peu dans le même genre que, en fait, qui est un de mes jeux favoris de tous les temps. Oui. Qui est The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Donc, oui, la version 3D. Donc moi, quand j'ai obtenu ma première 3DS, c'était évidemment le jeu que j'ai attrapé. Donc, pour faire une histoire courte, Ocarina of Time, quand c'est sorti à l'époque sur la Nintendo 64, c'est vraiment un jeu que j'ai dévoré... J'ai montré, en fait, je sais pas si le site web que j'avais fait est encore en ligne. On l'avait, ouais, il est encore là. On l'avait caché sur la page, mais j'avais fait un site web et tout à l'époque. Donc, j'étais vraiment un très, très, très, très gros fan de ce jeu-là. Donc, moi, ce jeu-là, l'affaire qui m'avait plus marqué, c'est bon. C'était évidemment la première fois qu'on avait un univers aussi gros à l'époque. Puis c'était vraiment c'est un univers qui est hyper crédible. Tout est là avec une raison, avec un sens. Tout est bien positionné. Tu vois que tout a été vraiment hyper bien réfléchi pour que le jeu entier soit le seul mot que je trouve, c'est crédible. Mais bon, c'est vraiment une expérience que, en tout cas, moi, à l'époque, qui m'avait jeté à terre. Puis encore aujourd'hui, donc j'étais vraiment hyper content d'avoir de pouvoir rejouer à ce jeu-là. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que cette version-ci, c'est vraiment... La console est beaucoup plus puissante. On aurait pu faire carrément un autre upgrade du jeu. Ouais. Puis on a décidé de rester fidèle au jeu original en essayant de se rapprocher finalement du style visuel qu'à l'époque, on aurait voulu avoir sur la Nintendo 64 qui n'avait pas la puissance et tout. Ça, c'était donc, vraiment intéressant. T'sais, la direction artistique qu'ils ont pris, comme tu as dit, c'était vraiment juste pour essayer d'avoir ce qu'ils auraient voulu faire sur N64. Et ils n'ont pas été là, avec des graphiques, là, ils n'ont pas poussé la console au max. Mais ce que ça donne, c'est une expérience. Moi, j'avais réessayé Ocarina of Time original. Puis les polygones n'ont pas si bien vieilli pour moi. Non, c'est ça, c'est mais ça. La version 3DS, parfait. Tu regardes ça, tu dis ouais, ça marche. T'sais. Puis au premier coup d'œil aussi, on n'a pas l'impression de jouer à un autre jeu. On a l'impression de jouer au même jeu, mais mieux. Donc, moi, c'est vraiment un jeu que j'aimerais justement faire découvrir à mes enfants parce que, bon, évidemment, c'est... Il le faudra pour la réplication personnelle. Exactement. C'est vraiment un peu le jeu de sagesse. C'est le jeu que je veux pouvoir jouer avec eux, mais tu sais, leur donner. Puis je sais très bien qu'à tout moment, qu'ils vont être coincés dans le jeu ou qu'il va avoir un casse-tête ou n'importe quoi, tu sais, je vais pouvoir arriver comme papa, un... Papa, sort ton site web. Comme un mentor. C'est ça, les internets. En HTML2, tu sais. Avoir justement le feeling un peu de vieux sage, de partager ces connaissances-là qui, dans le fond, datent, tu sais, ça fait quand même une vingtaine d'années, là. Ouais, tu sais, ça fait déjà 20 ans. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui fait longtemps. C'est un peu comme du basic, ça s'oublie pas. Donc moi, Ocarina of Time, ça s'oublie pas, puis c'est vraiment... C'est un peu comme mon leg. Ces connaissances-là. Donc, le site web, on partagera le site web éventuellement. Certains, pour mettre ça. Il faut juste aller voir l'URL, mais on l'a déjà. Tu l'avais remis. Ouais, j'avais remis. Wow. Puis toi, Nick. Ouais, moi, je parlais de Donkey Kong Country Returns 3D. Oui. Écoute, ben ça, c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé à la Wii. Oui. Puis, c'est une belle surprise à la Wii. Tout à fait. Puis, excellent plateforme. C'est pas tout le monde qui aimait les contrôles de la Wii, là, où tu devais shaker le nunchuk. Ouais. Puis ça, c'est une version, en fait, là, très, très fidèle. En fait, c'est vraiment le même jeu avec des nouveaux contrôles. Ce qu'ils ont fait pour pouvoir démocratiser le jeu, si on veut. Ici, on voit qu'il y a 3 cœurs à l'écran par série, par personnage. Puis dans le jeu original, c'était 2. Donc, tu sais, ils ont vraiment essayé de faire ça plus accessible, justement, pour les enfants, en fait, ou les gens qui sont un peu plus casual. Ben, maintenant, tu sais, t'as 3 cœurs. Ça, c'est si tu prends le mode, le new mode, là, dans le fond, le nouveau mode. Puis t'as un mode classique que tu peux faire, là, un petit peu plus hardcore. Là, on parle de 2 cœurs, là. Mais c'est quand même, c'était vraiment un beau jeu qui est aussi disponible en coop, tu sais. Puis, tu sais, présentement, mes enfants sont un peu jeunes. Ça demande beaucoup trop de kills. Mais, tu sais, Diddy Kong a toujours demandé un petit peu moins de skills, de la façon dont tu pouvais jouer. Fait que, tu sais, j'ai vraiment hâte de pouvoir partager ça. Mes enfants aiment bien Donkey Kong, en fait. Il est fun. La version moderne de Donkey Kong est juste amusante. Puis j'aimerais pouvoir l'essayer avec. Puis Diddy Kong et le personnage, c'est comme, je dirais, très approprié pour faire ça. Ah, vraiment, là. Mais c'est vraiment une bonne version. Moi, je trouve que, honnêtement, tu sais, la Wii avait peut-être des graphiques un petit peu plus jolis, mais celui-là, tu sais, c'est bien packagé, tu peux jouer sa route. Mais la 3D est vraiment géniale dans ce jeu-là, en plus parce que t'as une profondeur aussi quand il t'envoie d'un barrel, dans le fond du tableau, puis tout ça. Ah oui. C'est vraiment bien fait, là. T'as tout à fait raison, tu sais, puis on dirait qu'il a été fait à la base pour être en 3D, tu sais, puisque t'avais pas à Wii. C'est vrai que mais, c'est spécial. Vraiment bien fait, puis une belle utilisation, vraiment, là. Oui. Puis il y a beaucoup de niveaux, il y a vraiment beaucoup de. Moi, c'est la longueur du jeu, parce que comme le jeu il offre quand même un bon challenge. Mais tu sais, au final, t'as toujours l'impression que t'approches, mais il en reste toujours. C'est satisfaisant, mais en même temps, t'as hâte de le passer. C'est pas... C'est drôle, je joue avec mon gars, puis à toutes les fois, c'est lui, il frappe un mur, puis comme, il me lâche avec le jeu, puis je continue tout ça, puis là, il me regarde. Ils vont revenir quand je vais être capable, mais... Il apprend. Tu sais, on oublie rapidement que les jeux de Nintendo, ça a tout le temps été quand même un petit peu plus punitif. Ouais, tu sais, Mario, Super Mario Brothers original, c'était punitif, ça va là. Exact. Tu sais, il y a tout le temps eu un bon défi avec une belle couche de cute, de beau, tu sais. Je sais pas si je dirais punitif. Je pense que c'était peut-être... c'était strict, peut-être, mais c'était toujours... c'est toujours fair dans le ça a tout le temps été fair. Il y a jamais c'est rare des jeux qui justement exact ouais ok non, le thème est un peu fort mais c'était quand même c'était skills C'est oui, ça. Non, ça, c'est, ça, ça te demande quelque chose, mais ouais. En, en retour, le jeu ne va jamais te tricher ou va jamais te. Le jeu va jamais. T'es échoué. Ouais, non, tout à fait. Exact. T'es échoué, c'est toi. Tes contrôles, ils sont parfaits, fait que c'est toi qui l'as manqué. Oh, oui. Puis ben, ce que j'aime aussi de ça, c'est vraiment pour ceux qui ont les souvenirs. Des versions Super NES. Oui. C'est un retour aux sources. Ouais, là, c'est ouais, vraiment oui. très semblable ouais. comme feeling. C'est juste plus joli que ce qu'ils pouvaient faire à l'époque avec. Quand même très joli de Silicon Country encore aujourd'hui. Oui, encore, oui, mais tu sais, c'est ce qu'ils auraient voulu faire ouais. avec Silicon Graphics. Le présent de l'époque, tu sais. Fait que beau petit jeu. Yes. Moi, je vais continuer en dire une petite rapide avec Kirby Planet Robobot. Ah, Kirby. Ouais. Ah, Kirby. C'est on a parlé il n'y a pas longtemps de ça. Oui, on ouais, a parlé. Un jeu récent, ça. Oui, c'est un jeu quand même assez récent. Moi, Planet Robobot, c'est probablement un de mes meilleurs jeux ever de Kirby. C'est vraiment un excellent jeu de Kirby. Ce jeu-là, on l'a fait au complet. Moi puis mon gars, on adore ce jeu-là. Puis on se passe le jeu, puis on joue ensemble. Mais ce qui est le fun en plus, c'est qu'il y a un mode multijoueur. Puis on joue à plusieurs. L'autre fois, j'ai même joué à 4, où tu peux battre des boss. Sans arrêt, tu sais, de plus en plus. Puis ça, c'est vraiment génial. Il y a des modes dans Kirby Planet Robobot de plus qui te permettent de jouer en multi. Mais déjà, le single player, l'aventure solo, est tellement grosse. Il y a tellement de stock à découvrir. Ouais, c'est ça, c'est un gros jeu. Kirby, c'est toujours ça. Il y a des gros univers. Là. Ah, ben, oui. Des affaires. Là. Des gros univers. Puis c'est ça qui est drôle parce que Kirby a toujours passé pour un jeu qui était trop facile. Mais en fait, oui, c'est très facile de finir un jeu de Kirby, mais de tout découvrir ce qu'il y a dedans, ouais. c'est vraiment difficile. Non, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup de secrets cachés. Ouais. Il y a beaucoup de secrets, puis les secrets là-dedans demandent une certaine méthode, une certaine logique. Mm. Puis tu vas devoir penser, justement, il y a certains puzzles là-dedans qui demandent quand même une certaine réflexion. C'est un power-up, ce docteur. Oui, c'est trop bien. Il y a des fans de Kirby loufoques là-dedans. Moi, j'adore. Wow! Oui, puis d'ailleurs, c'est ça. Le Kirby, le Kirby Fighter qu'il y a dans les Kirby souvent, il est dans cette version-là, il me semble. Je ne veux pas me mélanger avec l'autre, mais il me semble qu'il est dans cette version-là. Puis c'est ça, c'est que ça démontre aussi que dans ce jeu-là, chaque habileté de Kirby a quand même beaucoup wow. d'habiletés. Tu sais, comme tu ouvres un personnage, admettons que tu pognes le magicien, ben tu t'aperçois que par en haut avec ton bouton ça fait quelque chose, par en bas ça fait quelque chose, y a plein de moves, à droite ça fait quelque chose. Que c'est comme un mini jeu de fighter vraiment intéressant, c'est ça, Spark Mode. Fait que tu sais, c'est vraiment vraiment un super bon jeu. Pour la 3DS, je trouve que c'est vraiment un incontournable. Même ouais, si t'es un joueur hardcore, ça vaut vraiment la peine. La musique de Kirby qui est partie en plus en même temps, même c'est bien ficelé, comme dirait Fred. Paquet bien ficelé. Ben important. Mais c'est vrai, Kirby, moi, c'est toujours un. C'est toujours des surprises. À toutes les fois que tu découvres ce jeu-là, tu peux pas savoir à quoi t'attendre. Il y a toujours comme quelque chose d'un peu loufoque puis de farfelu, puis c'est toujours très gentil, c'est toujours très le fun. Moi, je trouve que c'est une belle franchise pour les enfants. Puis, c'était un peu ça le but aussi à l'époque, c'est d'avoir un platformer dans lequel on mourait pas tout le temps. Ouais. De pouvoir. Ah, ben tu peux voler un peu pour te réajuster. Puis ça a fait en sorte que malgré tout ça, ça te permet quand même d'aller vraiment plus loin que tout simplement un jeu trop facile. Ce que t'as pas en défi de platforming, tu le retrouves dans toute la créativité que le jeu prend pour les power-ups. Il y a des attaques que tu Puis justement, faire. Le level design dans les Kirby est vraiment excellent. Ouais. Puis non, ça c'est le fun. Moi, ça a fait aussi que mes enfants, Kirby, c'est comme un peu devenu leur licence préférée. Hey, moi, mais il est populaire Kirby chez nous. C'est fou, là. Facile à dessiner. Encore une fois, il ressort les jeux de Kirby parce que j'en ai plein. Puis quand il joue à Smash, il prend Kirby. Ben, je pense qu'il est fort à Smash. Il est fort à Smash. Kirby, parce qu'il te permet de flotter, genre, quand t'es dans le jeu. Aussi, Kirby est facile à dessiner. Les enfants, c'est pas con, mais tu sais, il se l'approprie. Vraiment, là. Puis déjà, qu'en plus, le personnage, c'est un personnage qui se transforme et tout, ben ça fait en sorte que justement ben tu peux toi-même créer des Kirby et tout. Mais c'est t'as le goût d'avoir un toutou de Kirby, tu sais. Ah oui. J'en ai pas chez nous. À côté de l'oreiller, un toutou de Kirby que Fred hug tous les soirs. Je peux pas avoir de toutou chez nous, mon chien. Ah oui. Il y a une demande dans le chat pour un t-shirt, la manette avec marqué petit paquet bien ficelé. Ah, mon Dieu, oui. Retourne à la table à dessin, Bruno. Il faut. Retourne à la table à dessin, Bruno. Fait qu'on va closer ça. Mario 3D Land. Oui, yeah, c'est un jeu qu'on a tous joué, qu'on adore tous. On voulait tous le faire. Super Mario 3D Land. On se battait, puis finalement, on a dit, hey guys, on va le faire ensemble. Oui. Ben, c'est un autre petit paquet bien ficelé, justement. Écoute, pour moi ce jeu-là... C'est tellement contenu, ce jeu-là. C'était le premier Mario en complètement 3D. Ouais. Ben, à part 64. Là. À part 64, c'était comme le... Ben, tu sais, il y a eu... Galaxy. Non, il y en a eu d'autres. Galaxy. Ouais, non, c'est vrai. Sur la 3DS, ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que quand il est arrivé, on Galaxy, se disait comme... Il était pas de même. Bah, c'est pas un si gros Mario que ça. Ça semblait vraiment pas grand-chose, puis... Finalement, c'est un jeu gigantesque, qui est énorme. Ouais, il y a tellement vraiment de stock beaucoup dedans. De je trouve que c'est vraiment un jeu qui incarnait bien la vision de qu'est-ce que c'est la 3DS. Ouais. Ouais. T'as de la 3D là-dedans qui est vraiment intuitive, qui fonctionne, qui est vraiment au service du jeu, si on veut, puis non pas une gimmick. Exactement. T'as vraiment beaucoup de contenu, les niveaux sont... Il y en a vraiment beaucoup. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. On se rappelle de Mario 64 qui avait pas beaucoup de niveaux dans le temps pour plein de restrictions de mémoire. En effet. Mais là, il y a des tableaux, il y en a à pu finir. Je pense qu'il y en a une cinquantaine, soixantaine. Il y en a aussi plus. Ouais. Mais... Ouais. Hein? C'est comme un spoiler, mais quand tu finis le jeu... Ah oui, c'est vrai. Il y a du contenu à mon dire. Ça, en fait, c'est un des seuls, je dirais, jeux là, que ma fille a un gros intérêt puis qu'elle a essayé. Ouais. Mon gars aussi, parce qu'il est, il est facile. Lui aussi, c'est un 1PK. Ils sont plus jeunes, mes enfants, c'est coloré. C'est vraiment, vraiment beau. Puis, ils ont introduit le fameux Tanuki blanc. Ouais. Quand tu meurs tout le temps, t'es capable à un moment donné d'avoir le fameux Tanuki blanc qui est invincible et qui peut voler. C'est ça, honnêtement, ils peuvent se rendre un peu plus loin. Ce qui est le fun aussi, c'est la musique de Mario qui part. C'est que tout est bien. T'es tight, Jeff. Jeff est au poste. C'est moi. Mais ce qui est le fun aussi dans le gameplay, c'est que c'est vraiment une bonne balance de 3D, mais un peu en 2D. C'est pas mal toujours sur deux axes, ce qui fait que pour les enfants, c'est beaucoup plus facile de... En termes de prise en main, donc on n'a pas à devoir nécessairement lire l'environnement puis essayer de comprendre c'est quoi la perspective. Ouais. Ben, tu sais, c'est très intuitif. Tout, le son, on le voit justement, c'est toujours des carrés. Tout est fait de carrés finalement pour te permettre justement de toujours bien t'orienter et tout. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un beau souci du détail. Mais moi, c'est avec ça que mes enfants ont comme appris les bases du platformer 3D à cause de l'ombre. Ouais. Parce que je lui disais tout le temps, suis ton ombre où que tu sois, puis tu vas voir, ça va bien aller. Puis dans ce jeu-là, j'ai remarqué que l'ombre est plus foncée que dans certains jeux. Je sais pas pourquoi, mais l'ombre est quand même assez foncée. Fait que tu arrives tout le temps à savoir exactement où est ton bonhomme. J'imagine aussi qu'en portable, c'est plus évident quand tu as un indicatif plus facile comme ça. Mais j'ai rien à y reprocher. Non, ce jeu-là, c'est un jeu, pour utiliser une expression anglaise, c'est by the book, ce jeu-là. Là, tu utilises parfaitement ta console 3D. T'sais, le 3D marche vraiment bien, mais si tu dois l'enlever, ça marche encore bien. Donc, c'est le fun, il est très long, les niveaux sont très, très différents. Honnêtement, moi, j'ai tellement aimé ce jeu-là. Là, pis t'as raison, il est long à finir. Oui. Je pense que ça m'a pris un an où je jouais un peu. Pis, moi, je l'ai clenché, sérieux. Moi, je l'ai fini, mais je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini à 100% encore. Non, c'est ça. Fait que j'y joue encore, puis c'est le premier jeu que... C'est pas mal d'un premier jeu que j'ai joué sur la 3DS. Il me semble que c'était un launch title. Juste un launch title, c'est ça. C'était pas longtemps après le lancement de la console. Il y avait Pilot Wings, il y avait Ocarina of Time. Le jeu de sous-marin que j'ai oublié. Ouais. Steel Diver. Steel Diver. Parce qu'il y avait plein de... Street Fighter. Il me semble qu'il était un launch. Il était pas loin du launch. C'était dans les premiers 6 mois. Exact. Mais en tout cas, là, c'est vraiment un incontournable. C'est un jeu qui est encore aujourd'hui. Je pense que c'est comme ça. C'est un incontournable à 3DS. Je pense que c'est un jeu qui incarne bien qu'est-ce que un jeu de 3DS devrait être en termes d'accessibilité, de contenu, combien il s'est balancé et tout. C'est vraiment, comme tu dis, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire là-dessus. Non, tu peux pas. Il n'y a rien à jeter dans ce jeu-là. Pour les plus jeunes, en tout cas, c'est vraiment un must, comme tu dis, pour leur apprendre la platforming 3D. Donc, sur ce, on va faire le... On fait-tu le premier tirage, Jeff? Oui, je viens de l'effectuer pendant qu'on terminait le segment. Fait que, mais un petit peu, on n'a pas la réponse. Ouais, oui, vas-y. Je vais donner la réponse. Donne la question. La question, c'était quel est le nom du professeur dans Luigi's Mansion Dark Moon? Est-ce que vous vous en souvenez, vous autres, les gars? Ouais, hey, attends, là. Je sais. Assez loin pour ça. Attends. Nick, toi, t'es... Professeur Alvin Gad? Exactement. Ah, nice, nice, nice. Mais il y a un autre nom, par contre. Il y a des gens qui répondaient quelque chose, puis je suis allé vérifier. Puis en français, il n'y a pas le même nom. Non, c'est sûr. Il s'appelle Professeur Cal Tastroff. Catastrophe. Voilà. Fait que les deux réponses étaient bonnes, mais les deux gagnants ont répondu en anglais. Alors, il s'agit de Éric Lafrance et Marc Prudhomme. Yeah! Félicitations. Bravo, félicitations, les gars. Fait que vous nous écrivez, comme dans le fond, on a vos adresses. On a leur courriel, fait qu'on va, on va leur écrire. On va communiquer avec eux autres pour leur avoir les adresses. Génial. Fait qu'on fait une pause et puis on vous revient avec un quiz 100% Nintendo. J'espère que les gars sont en forme. Ah, t'es en forme, t'es en forme. Et après la pause, manger mes céréales ce matin. On cesse, là, les gars. Ouais. Deuxième tirage aussi après la pause. Fait que restez à l'écoute si vous voulez gagner d'autres jeux pour la fin de l'émission. Et une grande discussion sur nos meilleurs jeux 3DS. À ce spécial 100% Nintendo 3DS. Yeah! Donc, on est de retour à ce spécial 100% 3DS. Je vais vous dire la question du deuxième tirage. D'ailleurs, au tirage, il y a 4 prix à gagner. Ces 4 prix-là, c'est 4 jeux Nintendo 3DS. Un jeu, évidemment, par gagnant va être envoyé. Puis, on ne dit pas le nom des jeux. C'est une surprise! Donc, la question du deuxième tirage... Mario reçoit quel costume en attrapant la feuille brune dans Super Mario 3D Land, dont on a parlé tantôt? Moi, je le sais! Donc, je répète la question. Celle-là. Mario reçoit quel costume en attrapant la feuille brune dans Super Mario 3D Land? Donc, on va répondre à cette question-là et choisir le gagnant à la fin du show. Encore donc, une fois, répondez sur retronouveau.ca/tirage. La même site que tout à l'heure. J'ai mis à jour le formulaire. Bon. C'est bien fait. C'est vide, hein? C'est live. C'est tellement bien. Jeff travaille fort, travaille fort. Ouais, ça n'y est pas. Il mérite son pot de paye. Non, ça... Il paye avec l'amour. Il paye avec l'amour. Ouais. En plus, il m'a donné des biscuits au chocolat. Ah oui, il faut y avoir gardé. Tu le mets dans les dettes, toi, là. Il faut y avoir gardé manger. C'est ça. Il faut toute l'eau. L'eau de Longueuil, en plus. Ok. C'est le quiz? Un peu. C'est le temps. On pourrait dire tôt. Comme tes yeux puis ton linge. C'est ça, je voulais faire la joke tantôt. Et tôt. Parce qu'on parlait de linge taupe, là. Tu parlais de tes yeux que tu vois rien. Je dis, ah, comme une taupe. Eh comme, ouais. Comme ton linge aussi. J'ai pas réussi à la plugger. Malade. C'est fait. Ouais. Donc, c'est le quiz, là, Bruno. Oui, c'est le temps du quiz. On va arrêter la musique pour le quiz. Le quiz, là, écoute, j'ai eu des demandes pour faire ça un petit peu moins difficile. Hey, j'ai écouté les précédents shows dans lesquels je n'étais pas présent. Je suis content de ne pas avoir subi l'humiliation. C'était pas si facile. Quel est le nom du 7e transistor, ça? Ouais. Le motherboard. Là, aujourd'hui, là, c'est l'édition 100% Nintendo familiale. Ah, donc, quel que soit ton âge, si tu connais bien Nintendo, tu devrais être en mesure de répondre à ces questions-là. Excellent. Go. Première question. Luigi est apparu avec Mario pour la première fois dans quel jeu? Est-ce A? T'avais pas fini, excuse. C'était assez facile. J'avais oublié le jeu de réponse. OK. A, Donkey Kong. B, Mario Bros. C, Super Mario Bros. Ou D, Super Mario Bros. 2. Luigi est apparu avec Mario pour la première fois dans quel jeu? A. Donkey Kong. B. Mario Bros. C. Super Mario Bros. Ou D. Super Mario Bros. 2? Ben, moi j'irais avec Mario Bros. Si t'avais mis un Game & Watch là-dedans, là, tu m'aurais vraiment mélangé. Peut-être quelque chose que j'ai moi aussi, jamais vu. Moi, j'étais sûr qu'il mettrait un Game & Watch. Mais là, je suis pas mal certain à 98% que c'est Mario Bros. Ouais. Tout le monde ben, écoute, moi, j'aurais dit Mario Bros. Aussi. Maintenant, l'affaire, c'est que des fois, tu sais, est-ce que c'est vraiment le nom qu'il y avait, le personnage? Mario, tu m'as eu... Alors, pour l'honneur de ne pas réussir la question, moi, je vais dire super Mario Bros. Ouais. Même si je sais que je ne l'aurai probablement pas, puis que c'est vrai non, que Mario Bros. Non, tu vas l'avoir, Bros, parce que Bruno nous personne... a déjà ostiné là-dessus. Là, les deux s'appellent Mario. En tout cas, continue. Mario, JF, toi, Mario. Moi, je dirais Mario Bros. Mario Bros. Eh bien, tout le monde a raison sauf Fred. C'est Mario Bros. Même ça, tu avais déjà dit que vu que c'était Mario trop loin, Bros Brothers, ouais. C'est les frères Mario. C'est ça, c'est les Mario, frères Mario et Luigi Mario. Exactement. c'est les frères Mario, mais c'est Luigi Mario. C'est Mario Mario puis Luigi c'est Mario. C'est marqué quand même en haut. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. C'est écrit Luigi en haut. Ouais, c'est écrit Luigi en haut. Fait que c'est ça. Deuxième question. Diddy Kong est qui par rapport à Donkey Kong? Est-ce A, son fils, B, son frère, C, son neveu ou D, son cousin? Diddy Kong est qui par rapport à Donkey Kong? Est-ce son fils, son frère, son neveu ou son cousin? J'irai avec le neveu C. Un peu, la toune n'est pas finie. Ouais, j'irai avec le neveu C. Le neveu? Moi aussi, je vais avec le neveu. Neveu? Ceux qui ont écouté la série Télétoon sont contents en ce moment. Moi, je vais dire son cousin. OK. Parce qu'il me semble que c'est son cousin, mais encore une fois, j'assume la défaite. Je l'embrasse, puis je moi, je trouve que ça fait du sens, parce qu'il y a bien de la famille là-dedans, des grands-pères, des mononcles, puis tout ça, puis il n'y a pas eu d'enfant. C'est pas ça. Oui, mais son enfant, c'est Junior, mais il n'est pas là. Fait que... C'est ça. Ah, c'est exactement. JF, toi, tu dis quoi? Je vais répondre comme la famille, là. C'est son neveu. Eh bien, vous avez raison, c'est son neveu. Fred. Son Fred. Yes. Un autre victoire. Hey, va-t'en donc, là. Sérieux, c'est gênant. Hey, je fais un peu exprès, là. J'essaie de briser le moule. Ah, c'est bien. Tu fais bien. Faut que tu montres que t'es pas parfait, des fois. OK. Je sais bien, c'est dur à croire. C'est pour ça que je travaille fort en ce moment. Pas bonne. C'est sûr. La traditionnelle troisième question du quiz... Je dis le nom d'un personnage de Nintendo en japonais. Mm-hmm. Qui est ce personnage? Kinopio. Je dis le nom d'un personnage de Nintendo en japonais. Qui est ce personnage? Et c'est Kinopio. Est-ce A, Bowser, B, Toad, C, Princess Peach ou D, Birdo? T'as même pas mis Pinocchio dans le... Non, y a pas Pinocchio! Kinopio, man! Vas-y, Ok, fait que c'est... Répète-le en japonais. Kinopio! C'est totalement random comme choix. Kinopio! Tout à fait. Kinopio! Vas-y. C'est quoi les choix? Vite. Bowser, Toad, Princess Peach ou Birdo? Moi, je vais avec Toad. Toad? Oui. Ok. Toi? Moi aussi, j'allais avec Toad, mais... OK. Ben, on gagne depuis tantôt. Toi, elle prend n'importe quoi. Là. Fred? Ben, c'est parce que je sais que la réponse, c'est Toad, mais je vais dire Bowser juste pour... pour pas péter mon Thunder. Toi, Jeff, t'as-tu... Je prends Toad, moi aussi. Eh bien, vous avez tous raison, c'est Toad. C'est, en fait, un champignon en japonais, c'est Kinoko. OK. Puis, j'imagine que Miyamoto fait aussi référence à Pinocchio, évidemment. C'est un champignon qui devient un garçon. Donc, ça ferait du sens. Pinocchio, c'est un champignon qui devient un garçon? Oui. Ben, Toad est un champignon qui... Non, Toad. Pinocchio, c'est un petit mannequin en bas. Bruno, il m'a répondu vraiment. Ouais. Pinocchio, c'est un champignon. Écoutez, pas pantoute. Il est occupé à plier son papier. Il me reste une question, là. Je suis en train de checker. Je suis en train de checker la quatrième question. Là, celle-là. Moi, j'attends juste la réponse que tout le monde va se planter puis que pour l'avoir. Puis, okay. La question à 4 points, celle-là, c'est ça. La quatrième, c'est la plus difficile. On monte là, en difficulté, là. Qui est le créateur de Mario? Est-ce A, Shigeru Miyamoto, B, Yoshi Kotabe, C, Reggie Fils-Aimé ou D, Shigefumi Ino? Qui est le créateur de Mario? Shigeru Miyamoto, Yoshi Kotabe, Reggie Fils-Aimé ou Shigefumi Ino? Votre réponse? Ben, je vais y aller avec Miyamoto. OK. Ouais. Moi aussi. Ça fait du sens. C'est étonnant. Pas mal ça que je dirais, moi aussi. Là. Écoute, je peux pas... je peux pas dire Miyamoto quand même, là. Mais eh ben oui, c'est Shigeru Miyamoto. Je peux pas tricher celle-là. Mais le quatrième dude, là, il l'a fait en co-op avec lui. Yoshi et Shigefumi ont participé au design du personnage dans les jeux. Donc, techniquement, vous auriez pu vous tromper aussi parce que Shigeru n'a pas tout fait tout seul. Mais c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a fait le premier coup de crayon. On ne peut pas le bullshitter, celui-là. Non, exactement. Merci pour ce quiz. Excellent. Oui, bon. Le quiz qui vous a. Avec Iwata, là. Oui. Lui, il a fait quoi? Satoru Iwata, c'était. Sûrement, c'est pas mal de Zelda. Non, c'est Miyamoto. C'était le DG. Iwata était directeur, mais je pense qu'il était impliqué. Comme producteur sur des titres, mais c'est pas ça. Lui le créateur. En fait. Ok, ok. C'est programmeur, ouais. Producteur, puis créateur, DG. Ok. Mais Miyamoto a le côté créatif, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ah, voilà. C'était l'artiste. Ah. Ouais. Donc, Jobs. Sur ce, ouais, on va embarquer sur une discussion, la traditionnelle discussion de Rétro Nouveau, et puis on va faire. Une espèce de discussion globale de nos meilleurs jeux de 3DS, les choses qu'on n'a pas mentionnées tantôt, entre autres avec les enfants. Mais il y a des jeux là-dedans aussi auxquels on a joué avec nos enfants et des jeux aussi là-dedans, dans le premier bloc, qui étaient dans nos meilleurs jeux. Il y a tellement de bons jeux sur la 3DS, écoute. Il y a du stock. Ça en prend du temps. Ça finit plus. Je vais commencer avec Ever Oasis, qui est un jeu que j'ai découvert très récemment grâce à sa sortie très récente et puis à la critique que j'ai faite. C'est un jeu, j'y ai donné une excellente note et puis c'est un jeu qui va être dans mes meilleurs jeux de l'année. C'est vraiment, pour moi, Ever Oasis, c'est un peu la meilleure façon d'amener quelqu'un à jouer à un RPG pour la première fois. Ouais, un gros jeu. Vraiment un gros jeu avec bien de la viande. T'sais. Oui, il y a Zelda, mais là-dedans aussi, on donne justement tout le côté gérer des items, puis tout ça, gérer un petit village, puis en même temps, tu as le côté action RPG des Zelda qui est très intéressant. C'est vraiment un excellent jeu avec beaucoup, beaucoup de profondeur, facile d'approche, très intéressant aussi au niveau de l'histoire puis tout ça. C'est un jeu qui est très beau pour la 3DS, c'est vraiment magnifique. C'est un jeu qui est aussi beau en 3D qu'en 2D, mais visuellement, les couleurs, tout ça, c'est vraiment magnifique. Ouais. Puis il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire dans ce jeu-là. Je l'ai toujours pas fini depuis ma critique, puis j'ai continué à jouer vraiment beaucoup parce qu'en fait, là-dedans, il y a des voyageurs qui viennent dans ton oasis à tous les jours. Fait que tu sais jamais exactement comment ta nouvelle partie va commencer. Ça laisse tout le temps un brin de fantaisie puis de nouveauté à chacune de tes parties, ce qui fait que c'est très intéressant. Puis chacun, tu sais, il y a des personnages là-dedans qui vont t'aider dans ta quête, qui vont venir se battre avec toi. Il y en a d'autres qui vont tout simplement rester dans ton village pour faire le truc. Puis à un moment donné, « Oh non, je reviens avec toi dans le désert. » Puis on va aller justement chercher cet item-là. Donc vraiment un jeu super intéressant. C'est une nouvelle licence qui, j'espère, va voir beaucoup de suite. C'est une nouvelle licence. C'est une nouvelle licence. Puis moi, ma fille particulièrement a vraiment accroché à ce jeu-là. J'ai remarqué d'ailleurs que côté démographique, c'est un jeu qui intéresse autant les garçons que les filles. Ouais, c'est le fun ça. Puis autant les adultes que les enfants, parce qu'il est assez deep pour être un jeu pour les hardcore, ceux-là qui ont joué à beaucoup d'RPG, puis ceux-là qui viennent tout juste de commencer, qui n'ont aucune idée c'est quoi un RPG, puis qui ne savent pas exactement par où commencer. C'est une belle façon de débuter là, sur la 3DS. Ouais. Donc ensuite de ça, moi j'en ligne avec un de mes jeux qui était, je pense, mon jeu de l'année ou dans les tops, je me rappelle pas quelle année par exemple, ça doit faire à peu près 6 ans quand la 3DS est sortie. Au moins. Oui, parce que c'était ton jeu de l'année quand c'était sorti. C'est ça. Quand c'est la ça. 3DS est sortie, fait que ça fait 6 ans. Je sais pas, ça s'appelle Mutant Mods. Oui. Et puis c'est un jeu de Renegade Kid. Et puis moi j'ai flashé là, sur ce jeu-là, ben raide. Ah, vraiment. Parce que hein? C'est vraiment. C'est excellent. Je sais pas, ouais, c'est excellent, mais on dirait que je ne connais pas d'autres qui ont trippé là-dessus autant. Tu sais, moi j'ai des goûts de c'est hardcore platforming. Ouais, c'est fun. C'est bon. C'est du hardcore platforming. C'est super bon. Et puis il y a la perspective d'aller. Dans les plans arrière ou les plans avant, comme on voit à l'écran présentement. Et puis, il y a des fois même jusqu'à 4 plans là, de profondeur. Puis ça, avec la 3D, on commençait à connaître la 3DS. Exact, puis on était vraiment impressionnés. Ouais, c'est comme, regarde ça va dans le fond! En fait, ça reprend le concept de Wario... Wario Land Virtual Boy. Boy, ouais. Exact. Ouais. Fait que ça reprend ce concept-là d'aller dans le background puis de revenir. Et puis, tout est une question... Ben, souvent, c'est beaucoup une question de timing aussi. Ouais. quand tu reviens du background pour pas arriver en même temps que l'ennemi puis tout ça. C'est un univers ultra vaste quand même, avec des choses à débloquer, des petites pastilles à ramasser comme on voit présentement. Ouais. Faut toutes les ramasser dans chaque niveau pour tout compléter. Et puis tu débloques des pouvoirs, si je peux dire, des armes, t'en as trois, qui vont vraiment beaucoup changer la game. Et puis, ouais, parce que t'es pas très fort. Non, non, là. T'es fort, t'es tout nu dans la rue pas mal. Là. Mais c'est un platformer parfait au sens du terme, ouais. Parce que c'est de la plateforme, c'est pas du réflexe, c'est du calcul. Ouais. Parce que quand t'es dans les airs, ton petit jetpack dure 2 secondes et demie ouais. À peu près. Il faut que tu prévois, faut que tu calcules avant de sauter où est-ce que cette 2 secondes et demie-là va se finir pour arriver au bon moment. Puis s'il y a de la glace, tu dis « Ok, là, je vais glisser en atterrissant un peu, fait que moi, je fonce dans l'ennemi. » Fait que c'est un calcul mental en même temps que tu avances. Ouais, c'est un jeu mathématique, là, comme... Ouais, ouais, c'est ça, platforming mathématique. Mais c'est bon parce que ce jeu-là, en fait, il n'a pas l'air de faire grand-chose, mais ce qu'il fait, il fait à perfection. Oui. Comme justement, le mouvement du personnage... Il est parfait. Si tu meurs, c'est vraiment de ta faute. Exactement. Vraiment... Mais c'est de ta faute parce que c'est ça, parce qu'il faut que tu le refasses pour mal calculer tes affaires. Mais tout est réfléchi. Ouais. C'est pas fait pour que ça soit infaisable. Tout est très faisable. Ah, je l'ai fini. Puis ouais, tu as fait aussi la nouvelle version, toi, de ça. Je l'ai pas fait au complet parce que ça, c'est next level d'aplomb, là. C'est vraiment tough. C'est disponible sur le eShop, là, présentement. J'ai téléchargé dans ma Wii U. Ouais. Et puis, je l'ai fait un bout. Mais c'est comme à la fin de Mutant Mods, les niveaux les plus durs, là, que tu rushes pas mal. Dans le nouveau, c'est juste ça. C'est 2 fois pire. Fait que, tu sais, ça te demande des skills, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais. Mais cette version-là est parfaite. Puis je pense qu'ils l'ont refaite ou ils l'ont tweaké un peu. Ouais. C'est disponible partout. Puis ça doit plus être cher, ben, parce que ça fait un coup que c'est sorti. Puis fan, amateur de platformer, vous allez aimer ça. Clairement, mes enfants sont pas prêts à jouer à ça. Mais je mise beaucoup sur mon plus jeune. Vu mon plus vieux, il aime pas les platformers. Le plus jeune, c'est sûr qu'il va aimer ça parce que les enfants sont tout le temps les contraires l'un de l'autre. Fait que j'espère qu'il va embarquer là-dedans et qu'on vive des moments de platforming ensemble. J'ai adoré ce jeu-là. J'ai demandé à mon gars de jouer à ça. Il l'a pas essayé encore. Ah, c'est... Ben, ton gars, il est tellement bon. Ouais, mon gars, il est vraiment très fort des platformers. Ouais, ça me surprend tout le temps. Si jamais ils font The Wizard 2, ils pourraient mettre ton code dedans. The Wizard 2. Ah oui, il faut. Ouais, ça serait hot. Non, mais il est très fort, genre Mario Bros, ces affaires-là, mais les rétros, genre, il aime beaucoup les jeux rétro. Ben oui. Ben ça a un look en plus, là, pixel, là, rétro, cartoony, avec la belle petite musique cute. Non, c'est très bien fait. Génial. Ah, j'ai enchaîné. Fred! Yes, moi j'ai enchaîné avec le jeu, je pense que tout le monde voulait avoir. Ben ouais. j'ai gagné l'argumentaire. Un autre hit. The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ah oui. Donc ça, écoute, la pomme tombe jamais ben loin de l'arbre. Encore un autre jeu de Zelda de mon côté. Ben oui. Mais bon, je pense que A Link to the Past a été le jeu préféré de beaucoup de gens autour de la table dans la jeunesse. Ouais. Puis quand ça avait été annoncé, ça... Je me rappelle, j'étais content, mais j'avais comme un petit doute. Tu sais, des fois, j'avais un gros doute, moi, personnellement. C'est ça, tu sais, on s'imagine, est-ce qu'on va vraiment essayer de faire un cash-in sur l'appeal du premier jeu de Super NES? Ouais, c'est ça. Ou encore, tu dis, est-ce que j'ai vraiment envie de rejouer au jeu de Super NES fait différemment? Puis honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs Zelda qui a été fait. Totalement. Ouais. Moi, c'est mon préféré. Avant, bon, c'est sûr, Breath of the Wild n'était pas sorti à l'époque, mais ça reste quand même encore dans mon top. Donc, ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que, comme je disais, c'est vraiment une suite, mais complète, du jeu Super Nintendo, dans le sens que on part des mécaniques de base, mais vraiment, on va beaucoup plus loin. Bon, la mécanique de se promener dans les murs rajoute vraiment un double niveau, si on veut, de casse-tête dans le jeu. Donc, il y a plein de twists qui sont vraiment intéressants. Donc, le jeu en tant que tel, c'est vraiment un gros casse-tête. Ouais. Tu sais, contrairement aux autres jeux où des fois, il y a plus d'exploration et tout, là, l'exploration ici, c'est vraiment du casse-tête, puis on y va vraiment toujours d'un défi à l'autre, puis t'es toujours obligé de concevoir vraiment le monde, pas pour sa beauté, mais vraiment pour tout son potentiel. Ouais. Donc, c'est vraiment un jeu qui... En fait, tout le jeu complet est un gros casse-tête, puis c'est vraiment intéressant. Bon, évidemment, la grosse twist qui est intéressant là-dedans, c'est que les armes, on les retrouve plus au fur et à mesure, mais on va les louer. Ouais, ou on les acheter. Loue. Ouais. Tu peux les avoir tous au début. Ah ouais, il y a un Lootech. C'est ça, dans exactement. Un Joe Lootou. Exact. Puis ça met vraiment une mécanique intéressante parce que si tu veux vraiment passer le jeu vite, ben il faut que tu sois bon parce que quand tu loues les armes, ben quand tu meurs, tu les perds, il faut que tu les retournes à la shop. Donc là, si t'es dans le milieu d'un donjon puis tu les perds là, t'es un peu coincé. Mais sinon, si tu veux vraiment dévorer le jeu, ben là, ça vaut vraiment la peine, t'en as vraiment pour ton argent finalement. Mais ça, cet élément de location-là, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, les Zelda étaient toujours une progression très linéaire. Exactement, puis là, ça ouvre tout. Donjon 1, 2, 3, 4, là, tu peux faire dans l'ordre de ton choix si tu as le bon item. Puis si tu loues, tu peux aller essayer un peu, voir, ah non, ça, c'est peut-être trop difficile pour le moment. Ben, on sent les premiers balbutiements de Breath of the Wild quand même. Exactement. Quand tu regardes ça, il y a comme un parallèle à faire, je trouve. Oui, tout à fait. C'est une introduction tranquille. Oui, exactement. Hey, ça va peut-être arriver plus tard. Puis le jeu aussi, ce qui est agréable, c'est que il est vraiment juste la bonne grosseur, un peu comme le jeu Super Nintendo. Ouais. Le jeu est assez gros pour que tu puisses le connaître un peu par cœur, puis savoir que, ah oui, ça, maintenant, si je fais tel truc, je suis capable de retourner à tel endroit. Tu es capable vraiment d'avoir une bonne perspective de tout ce qu'il y a à faire. Ce qui fait que ce jeu-là, je suis devenu obsédé. Quand je l'avais acheté pour un cadeau à quelqu'un, finalement, je l'ai gardé. Je me suis même acheté une 3DS Excel parce que je voulais vraiment le jouer sur un plus gros écran. Je l'ai fait à 100%. Puis là, quand je dis 100%, c'est y compris toutes les Street Pass Challenge. Donc, je l'ai battu. Puis une fois que je l'ai terminé, j'ai recommencé. Donc, vraiment. Mais il était fun, les Street Pass Challenge avec le Shadow Link. Exactement, qui est ton mode finalement un peu genre multijoueur asynchrone. Ouais, c'était cool. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis bon, tu pouvais envoyer finalement ton personnage aux alentours de toi, puis les gens ramassaient ton ligne, puis ils t'envoyaient l'heure, puis là, bon, tu faisais des combats et tout. Moi, j'avais, en tout cas, j'étais rendu vraiment très bon pour cheap-shotter mes collègues. j'ai vraiment aimé ça, puis en tout cas, je trouvais que c'était un... On est vraiment parti de tout ce qui faisait que Link to the Past était bon au Super Nintendo. Ouais. Puis on l'a amené vraiment beaucoup plus loin avec justement la perspective. Parce que ce qui est vraiment drôle, c'est que Link to the Past fonctionnait un peu par... différentes. Il y avait toujours à peu près 2-3 niveaux à l'écran. Ouais. Puis là, ces 2-3 niveaux-là, maintenant, sont utilisés principalement pour faire les mécaniques quand tu deviens une peinture puis tu te promènes dans les murs et tout. Il y a des cracks aussi pour le passage secret, des cracks. Exactement. Mais c'était hot parce que justement, l'environnement te semblait familier. Puis là, quand tu allais dans l'autre dimension, justement, tu pouvais le voir d'un nouvel angle. C'était vraiment intéressant. Ah ouais, comme tu vois à l'extérieur d'une tour à un moment donné que tu avais été, tu sais, c'est comme ça changeait quoi. Tu fais comme aïe. Ah non, il y a plusieurs moments comme ça dans le jeu. Ils ont réglé aussi, tu sais, à Link to the Past dans le temps. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher puis à être perdu. Puis pas 100% perdu, là, mais à comme voyons. Ah, il fallait que tu le découvres. Le truc là, que j'ai de besoin. Puis celui-là, non, tu le feels bien. Oui, vraiment. Tu vas pas rester coincé jamais. Là. Non, c'est ça. Ah, date, je le recommence. Ouais, c'est ça. Je suis pas prêt, mais je me le garde en tête. Je vais m'installer puis je vais le refaire. Ben, moi, je vais continuer, en fait. Bon, là, ça a été un choix extrêmement difficile. Donc, vous savez que j'aime beaucoup les Fire Emblem, tu sais. Il y en a des très bons. Il y en a beaucoup aussi. J'aurais pu prendre Awakening. Mais j'ai décidé d'aller vers Fates, en fait. Donc, Fire Emblem Fates, qui a deux versions. C'est Birthright puis Conquest. Donc, moi, j'ai joué à Conquest. C'est quoi ce jeu-là, en fait? C'est un jeu de rôle tactique. Donc, vous avez une grille à l'écran, vous bougez votre personnage dessus, tu sais. Puis, c'est quoi un petit peu la prémisse de ce jeu-là? Grosso modo, vous êtes un prince dans un univers où il y a deux royaumes qui sont en guerre. Donc, t'as les Nord qui sont comme un peu plus des chevaliers, puis les Oshido qui sont comme un peu plus, on pourrait dire, samouraïs. Puis, il y a une grosse guerre qui éclate, puis là, on te fait une révélation que tu as été élevé toute ta vie, mettons, chez les Oshido. Puis, finalement, t'as comme été adopté, mais tu fais partie de la famille de sang des... Excuse-moi, pardon. Snow, ouais, c'est le contraire. C'est, tu fais partie... Ton sang, c'est les Oshido, mais t'es élevé par les Nord. Puis là, tu dois faire un choix. Mais c'est un choix que vous allez pas faire vraiment. Donc, renseignez-vous avant d'acheter le titre. Parce que le jeu, c'est ça, dans le fond. Que vous preniez Conquest ou Birthright, ben, Birthright, ça veut dire que tu retournes avec ta famille de sang. Puis Conquest, ben, c'est la famille qui t'a adopté. Okay. Et ça va être deux histoires parallèles qui est la même, mais qui sont vécues de façon complètement différente. Okay. Donc, il y a même un DLC qui permettait de faire juste, ben, moi, je m'en vais, je fais pas ces choix-là, tu sais, mais en tout cas. Mais c'est vraiment un excellent jeu, tu sais, comme c'est un jeu là, que vous allez avoir du contenu infini, tu sais, tu peux faire, tu sais, des fois quand tu fais l'histoire principale, mais il y a des petites quêtes qui pop que tu peux faire. Le jeu en ligne aussi, vous alliez dans des bases des autres pour aller prendre des choses, puis quand on réussit à les vaincre, ben on pouvait améliorer nos héros. C'est tellement un bon jeu bien fait, tu sais. Je dirais, tu sais, Conquest, j'ai trouvé bien. Je pense qu'il était un petit peu plus difficile que Birthright. Il y avait un côté qui était un peu plus simple. Renseignez-vous avant d'acheter la bonne version pour vous. Mais excellent jeu. T'sais, si vous aimez le tactique, là, c'est parmi les meilleurs jeux tactiques que vous pouvez trouver, là, t'sais, modernes. Là, ouais. T'sais, c'est vraiment bien fait, c'est beau. Puis il y a tout ce qu'on n'aime pas là, dans un jeu tactique d'habitude. Là, t'sais, celui-là, il réussit à faire que c'est pas si pénible. Comme vous aimez ça, pas ça voir les combats genre de frapper parce que c'est prédéterminé par les stats, c'est pas grave, on peut skipper. Moi j'aime les voir, mais il y en a que où tu peux même accélérer l'action, ça va vraiment vite. Tu peux même dire moi je vois pas le tour des ennemis, fait que ça va super vite. Fait que grosso modo, vous pouvez customiser un peu là, personnaliser votre expérience de jeu en fonction de ce que vous aimez, donc vous pouvez jouer très vite. Et pour tous ceux qui connaissent la série, si vous êtes vraiment des hardcore joueur, vous pouvez avoir de la mort permanente de vos personnages. Vous allez pleurer votre vie quand vos personnages meurent, mais donc c'est ça. Ça donne un petit challenge, donc super jeu, je vous conseille. Fire Emblem, Awakening est excellent. Conquest aussi, Fate's Conquest, donc go, un beau jeu. Nice. Moi, je vais enchaîner avec Shovel Knight, quand même. Jeu Shovel Knight. Qui était en fait le comment en fait le Megaman contemporain, le nouveau Megaman contemporain, un jeu qu'on Megaman personne ne s'attendait à ça. Megaman et Gunpel. Mais non, c'est ça, c'est un jeu qui a vraiment été une grosse surprise, je pense, pour tout le monde, parce que jusqu'à maintenant il n'y avait pas eu tant de jeux comme ça rétro qui était aussi deep, qui avait un gameplay aussi fort que ça sur une console de Nintendo, en fait, de la part des indépendants. On n'a pas vu ça souvent. Exact. Puis c'est vraiment un très bon jeu qui a énormément de contenu. Il y a vraiment beaucoup de stock là-dedans. Il y a beaucoup d'aventures, en fait. T'as pas juste Shovel Knight. Il y a eu deux extensions par la suite. C'est rendu une grosse affaire, là, Shovel Knight. Là. Il y a même son amiibo, Shovel Knight. Oui, il est très cool. Ouais. Hein. Il est vraiment cool. Fait que, c'est un bon personnage. Je trouve que c'est une bonne licence par Nintendo. Puis justement, vu le amiibo, on voit bien que Nintendo a vraiment embrassé cette espèce d'association-là avec ce jeu-là. Yacht Club. Yacht Club Game. Des anciens de la compagnie qu'on aime beaucoup là. Ah, WayForward. Oui. Il me semble c'est ça, hein? Oui. Fait que tu sens parce que WayForward ont tout le temps été en synergie avec Nintendo. Exact. Fait que c'est pas surprenant que Shovel Knight le soit encore. Pis, ah non, vraiment. Moi je trouve que c'est disponible sur pas mal de consoles. Là, oui. Mais que ça soit disponible sur Nintendo 3DS, c'est comme un... ça m'aurait fait acheter une console là, ça. S'il y avait juste eu ça là-dessus. Là. Ben c'est parce que c'est comme sa maison naturelle, on dirait, la 3DS. Ça. Oui, parce que ça a l'air d'un jeu de NES. C'est un jeu portable. T'écoutes la musique, tu regardes la musique, le visuel. Man, le soundtrack, je l'écoute encore comme en travaillant. Ouais. Jake Kaufman qui l'a fait. Ouais. Et puis, c'est malade. Puis moi, ce que j'aime, ce jeu-là, là, il a livré la marchandise. Oui. On regardait ça, puis on est comme... Ouais. Il y a de quoi, là? Mais il faut pas qu'il l'échappe, là. Ah t'sais. Oui. Puis, man, ils l'ont tellement pas échappé, là. C'est pas qu'il est right on. C'est ça, il a survécu au hype. Parce que quand ce type de jeu-là, on a eu plusieurs déceptions. T'en regardes, tu dis c'est beau, c'est rétro. Puis, tu sais, mais lui, il a livré. C'est vraiment juste wow. Ben, c'est parce que le rétro est une mode aussi. Fait que des fois, tu vois le look, tu fais comme ah ouais, c'est beau, mais comment ça se joue? Ouais, t'as peur des opportunistes. Pis... Non, mais tu vois que c'est du monde qui connaissent leur affaire. Ah, vraiment. Là, qui ont fait ça, là, parce que c'est tout parfait. Ouais. Il y a des shops, il y a des trucs, puis c'est pas dérangeant. C'est pas trop lourd. Mm-hmm. C'est joli. Ouais. Le gameplay, il est bon. Là, il marche. Il marche parfaitement. Moi, encore une fois, c'est un des jeux préférés à mon gars. Ouais. Puis lui, il joue à ça, puis ce qu'il aime beaucoup, d'ailleurs, il m'a dit de le dire sur le podcast. Ce qu'il aime beaucoup, c'est que ça revient rapidement. Tu meurs, tu reviens tout de suite. Oui. Tu peux décider d'aller chercher ton butin ou de laisser ouais, là, ouais, tu sais, ouais, de continuer. Toujours le chercher. T'as des choix. J'étais incapable de laisser le butin. Tu peux briser tes checkpoints aussi pour pouvoir prendre la case de checkpoint. C'est cool qu'un détail comme ça, justement, ça l'ait marqué, parce que tu sais, des fois, il y a des décisions comme ça que t'es pas trop certain, puis que justement, ah ben, tu sais, c'est-tu important ça? Mais tu vois, c'est... Ah non, c'est très ce important. C'est finalement le charme pour lui. C'est cool. Ouais. Ouais, ben c'est ça, parce que d'un jeu contemporain... Souvent, ça, il y a des loadings. Les loadings, ça fait décourager beaucoup de monde. Puis dans un jeu comme ça, c'est très important que tu crèves, tu recommences, Ça, reste dans le beat. Parce que tu vas crever vraiment souvent. C'est là. Exact. C'est souvent que tu as appris le pattern, tu sais. T'es comme, tu veux la refaire tout de suite. Ah oui, tu parce perdre que tu la referais dans ta tête. Tes pouces sont encore. Ils se rappellent du timing et tout. Absolument. Ça, c'est très NES, ça, comme réflexe, justement. C'est ça que j'aime du NES aussi. Quand tu meurs, tu commences maintenant parce que là, tu l'as. Ah, vraiment. C'est pas le temps de niaiser. C'était assez inattendu un gameplay comme Doctor. Tales, t'sais, d'avoir cette mécanique-là, justement, du pogo là, qui revient. Là, c'est un bel hommage. C'est vraiment cool. Mm-hmm. C'est un très bel hommage à plusieurs jeux qu'on aime. Mm-hmm. Mega Man DuckTales. Ah oui. Dom. Oui. Je vais parler de SteamWorld Dig, A Fistful of Dirt. Ah, tellement. C'est un jeu qui est comme, je trouve, un peu sorti de nulle part. Oui. J'ai oublié le nom de la compagnie, mais c'est drôle parce que je les ai vus sur Twitter, ils jasaient beaucoup avec Renegade Kid aussi. Oui. Tout ça, fait que, tu sais, ça se parle, ce monde-là. Et puis, dans le temps de la sortie des jeux aussi, parce qu'ils sont sortis, je pense, un petit peu dans le même temps. Et puis, c'est un jeu de creusage qui se passe dans le Far West. Et puis, t'es comme un genre de petit robot brun, là, un mineur, là, si je peux dire. Et puis, tu creuses. Donc, puis en creusant, tu découvres, tu peux ramasser du cash et puis des affaires comme ça. Puis acheter du nouvel équipement, dans le fond, pour être plus performant. Là, tu vois, il y a un petit village ici, là, avec du monde... Tu t'améliores sans arrêt. Tu t'améliores tout le temps. Puis là, t'as l'énergie, tu remontes. Exact. C'est ça, tu manques... Tu perds de l'énergie à la longue un peu. Fait qu'il faut que tu remontes en haut à refaire. Et puis, tu te fais blaster par des ennemis. Tu grindes, tu ramasses du cash. C'est un jeu de grind un peu. Ouais. C'est pas comme tu tues des ennemis qui t'arrivent d'en face tout le temps. C'est de la découverte. Souterraine. Vraiment. Et puis, il y a des boss, il y a des petites twists. Et puis, tout le jeu, il est bien ficelé, comme tu dis. Paquet bien ficelé. Ouais. On pourrait s'attendre à ce que ça... On se dit que c'est plate, un jeu de même. Ouais. Tu sais, que tu fais juste creuser dans la terre. Tu recommences à faire la même affaire. Mais non, tout ce qu'il te donne pour débloquer, on pourrait dire quasiment un peu Metroidvania, que tu peux revenir avec tes nouveaux systèmes. Ah ouais, là, il y avait une grosse roche, maintenant je suis capable de casser des grosses roches, je me suis acheté un meilleur pic. C'est très satisfaisant là, d'être capable de comme péter de nouvelles affaires t'étais pas capable, parce que là tu vas foutre, j'en ai vu là, faut que j'y retourne. Donc c'est ça, c'est un jeu très surprenant. Les gens ne connaissent pas nécessairement. Non, pas tant que ça. Puis moi, je trouve que justement, c'est un autre jeu qui a sa maison parfaite, là, c'est la 3DS. Parce que t'as besoin de jouer à ça on the go quand t'es quelque part, puis de recommencer ta game, de continuer ta game. Moi, j'ai joué beaucoup à SteamWorld Dig en regardant la TV, en fait. Ouais. Je regardais quelque chose que je trouvais plus ou moins intéressant. Fait que là, beaucoup je jouais. De mon 3DS, je fais jouer de cette façon-là moi-même. Tu sais, tu joues une game, là, tu grindes, t'es comme, ah, c'est tellement le fun, mon bonhomme monte de level sans arrêt, là. Ouais, ce que j'aime aussi, c'est quand je couche mes enfants le soir, puis ils s'endorment pas tout de suite, bien sûr, puis là, tu restes proche, tu sais, je me cache un peu dans ma chambre, puis je joue à 3DS. Pendant, c'est fantastique. Parce que sinon, il se lève, ça, je le pogne tout de suite. Ouais. Fait que là, ben, je joue à SteamWorld Dig, tu sais, je creuse, je ramasse mon cash, je grind un peu, là, il se lève, là, je le pogne, je le recouche, je continue ma game. Je suis quasiment content, tu sais, qu'il niaise. Je reste en haut, puis je joue à ça. Donne une chance. J'ai passé des beaux moments là-dedans, puis il y a du stock en masse à faire. Le creusage, il est large, là, les mines sont profondes. Beaucoup d'exploration souterraine. Exactement. C'est de l'action d'exploration souterraine. C'est comme un nouveau genre, exploration souterraine. Il n'y en a pas assez de ça. C'est exploration souterraine. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas assez de ça en passant. Moi, des jeux de digging, je cherche ça. Dig Dug en anglais. Après Dig Dug, il n'y a pas grand chose. Comment ça peut être Dig Dug 2. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis celui-là, c'est pas mal mon préféré. Là. C'est très bien fait. Puis une suite s'en vient donc. Ouais. Vraiment heureux pour ça. On l'attend depuis un bout d'ailleurs. Yes. Ouais. All right. Nick. Ouais, moi, tu sais, c'est l'émission Les Papas du Gaming, tu sais, puis une des affaires qu'on a moins, c'est du temps pour jouer à des longs, longs jeux, tu sais. Puis moi, le titre que je veux parler, c'est Xenoblade Chronicles 3D. en fait, qui est sorti... sur le New 3DS. Donc, New Nintendo 3DS, c'est important parce qu'on peut pas juste sur la 3DS régulière. Ah ouais. Mais c'est vraiment un port, tu sais, on peut dire le parfait de la Wii. Puis, le format portable, tu sais, j'avais fait la critique ici à l'émission. Puis, il marche très bien. Avec le setting 3D du New 3DS, le 3D est pas dérangeant, là. Tu sais, c'est déjà, ça fait vraiment très bien le travail. C'est un jeu là, tu sais, d'une centaine, peut-être même 200 heures si vous voulez. Tu sais. C'est un peu un RPG action japonais et quasiment open world. Là. Les mondes sont tellement grands. Là, ouais, tu sais. C'est vraiment vaste. C'est incroyable. Puis tu sais, vous incarnez Shulk, un petit blond qui finit par pogner l'épée légendaire Movado. Puis il y a vraiment un conflit là, entre des civilisations là, anciennes. Là, comme dans deux gros titans, il y avait... Mechonis puis Bionis, donc ils décident de se battre ensemble. Puis c'est tellement épique cette aventure. Ouais. Tu sais, moi là, ce jeu-là, là, plein d'émotions, l'histoire est incroyable, le narratif est bien fait, les personnages sont attachants. Tu sais, des fois, on reçoit des personnages d'une équipe de RPG, puis il y en a qu'on s'en fout un peu. Tu sais, ils sont là, puis ils sont là pour tirer un épée. Ouais, c'est ça. Mais Là, tous les personnages sont intéressants tellement qu'à un moment donné, il faut que tu composes ton équipe. Tu as toujours trois personnes à l'écran. Ouais. Mais c'est difficile de faire des choix. Tu aimes tous tes personnages, tu veux les faire jouer tout le temps. Puis c'est vraiment bien fait. Puis il y a un système de combo aussi qui se porte très, très bien. Tu peux faire des enchaînements. Super tête. Vraiment, là, le port là, est vraiment, vraiment bien fait. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là et vous êtes un papa, puis vous avez clairement pas le temps de passer 200 heures sur votre, sur votre divan dans le salon pour faire ça. Tu sais, ça, vous pouvez jouer justement en transport commun, c'est idéal. Vous pouvez aller dans votre lit le soir quand tout le monde dort. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez jouer. Je suis sûr que votre imagination peut se promener là-dessus. Je parle bien sûr dehors, dans la cour, en dessous d'un parasol. Mais excellent jeu, là, tu sais, vraiment, là, je dis, allez-y, là, tu sais, si vous aimez les RPG, là, vous n'avez pas joué à ça, là, je sais pas ce que vous attendez, là, pitchez-vous dehors, allez au magasin, j'espère que c'est ouvert à 7h, parce que je veux pas vous faire sortir pour rien, mais, wow, ce jeu-là, là, un de mes meilleurs jeux à vie, là, tu sais, quand t'en achètes ça, là, tu sais, au nombre d'heures que tu peux mettre là-dedans, là, ça fait pas cher le dollar, là, tu sais, c'est incroyable. Je viens juste d'acquérir la version Wii, en fait, cette semaine, parce que c'est un beau jeu, j'aime avoir des beaux jeux, mais là, tu me dis que c'est 200 heures, ça me fait peur un peu. Ouais, ben, tu peux t'en tasser à 70 heures à peu près. Ça peut être un projet de vie. C'est justement, là, c'est l'épisode des papas du gaming, tu peux voir tes enfants grandir tout au long de ta quête. Oui, c'est ça. Mais clairement, je pense que le fait qu'il est portable, ça aide. Là. Mais je pense que tu peux le faire 60-70 heures, mais clairement, 140, 200 heures là-dessus. Quand t'es en ligne. Pas besoin de dormir. C'est ça, le sommeil, c'est surévalué. Tu peux te vitaminer le matin, puis là, tac, tu retournes travailler. Rester juste le soir pour que tes enfants s'endorment. Reste toute la nuit. Bruno! OK. Moi, un autre jeu, et non le moindre, Rhythm Heaven Mega Mix. Je l'aime ce bloc-là parce qu'on parle de jeux qui prennent de la valeur au niveau collectionnaire. Rhythm Heaven, c'est déjà une licence que j'adore de Nintendo. C'est un jeu de rythme, en fait. C'est des jeux de rythme vraiment bizarre et ça prend un peu la place de WarioWare. Exactement. Quand on y pense. Puis c'est un peu le même style, le même genre. Tu sais, il y a tout le temps plein de styles différents, plein de chansons différentes, plein de tableaux différents. Puis c'est comme des mini-jeux en fait. Puis on avance d'un mini-jeu à un autre. Puis c'est tout simplement ça. Là, ça fonctionne avec les boutons. Il y avait eu d'autres versions où il fallait que tu glisses avec ton doigt, d'autres versions avec des motion control, mais là ça se joue avec les boutons, puis c'est vraiment, moi c'est ma meilleure version. J'adore jouer avec des boutons sur une console portable. C'est tellement cool. Et puis ce jeu là il donne du contenu comme ça aucun sens. Il y a vraiment énormément de tableaux, la diversité est incroyable. Tu peux pas te tanner à un jeu comme ça, en fait, parce que t'as tout le temps quelque chose de nouveau. Puis il y a aussi des défis que tu peux faire à plusieurs personnes. Là, ce que je vois, il y a Heaven puis Fever. Dans le fond, il y a le jeu DS, le jeu de Wii là-dessus. Là. Oui, c'est comme un best-of, en fait, de ce qu'ils ont fait jusqu'à date. OK. Puis c'est vraiment... Mais c'est un troisième jeu, mais ils ont inclus les deux autres. C'est ça. Wow. Mais tu sais, c'est pas présenté comme... Tu commences pas en sélectionnant ton jeu, c'est vraiment comme un gros mix. OK. De tout ce qu'il y a eu. C'est tellement, genre... déjanté là, comme ouais. Mais c'est fou là, tu joues à ça laid, comme... mais c'est beau dans la laideur. Oui, exactement. Ah ouais, ouais, mais ça sert vraiment le, tu sais, c'est drôle parce que quand tu joues au jeu, c'est évidemment le beat, c'est ça le cœur du jeu. Ouais. Mais tu regardes toute la direction visuelle et tout. Là, on regarde les images puis on le sent le beat. Tout, ouais. tout ah ouais. transpire le beat. Ah ouais, ouais. Transpire le beat. Aussi comme à la discothèque. Comme... Mais aussi, c'est un bon indicatif. Le visuel est tout le temps indicatif de ce que tu dois faire tout le temps. Puis non, c'est super bien c'est fait. C'est très bien expliqué très rapidement. Moi, je te dis, c'est un must, là. Moi, il y a ma fille qui joue à ça puis qui capote, là, qui recommence des tableaux sans arrêt. Des fois, j'avoue que les chansons font comme « OK, sois-tu le réussir, le tableau? » Mais c'est très drôle, c'est vraiment le fun. Puis le jeu en offre vraiment beaucoup. Moi, je vais enchaîner avec Cave Story 3D. Yes. Un autre jeu d'exploration souterraine. Un autre jeu de souterrain. Moi, écoute, j'étais un gars de sous-sol. C'est ça, Mr. Stalactite. Exact. C'est ça, c'est Tedford King. Je vais en parler parce qu'en fait, quand j'ai acquis ma 3DS, j'avais téléchargé Cave Story. Oui. Ils l'avaient, l'original qu'ils ont fait en version portable. Et puis je connaissais pas ça. Je savais même pas ce que c'était. C'est quoi ce petit bonhomme-là qui a de l'air comme rétro Mega Man-esque, ouais. Mais je connaissais rien. J'ai joué, j'ai été épaté. Et puis j'ai vu qu'ils ont fait une version physique en fait. Oui. En 3D. Mais le gameplay, il demeure en 2D, là, on va s'entendre. Là, on voit à l'écran ici. Là, ce qu'il y a de 3D, c'est vraiment le background. Ouais. C'est bien, c'est un autre style. Personnellement, j'aime mieux le style rétro classique, hein. Mais c'est un bel effort. Et puis la musique, tu sais, c'est pas raté, là, je veux dire, ça va plaire à plein de monde. Oh, oui. Et puis la musique, elle a été tweakée aussi, ça fait un petit peu moins 8 bits, là, si je peux dire. Ouais. Donc, il y en a là, qui ont vraiment pogné une coche au niveau de la musique là-dedans. Ouais. Donc, c'est comme, puis c'est un jeu qui a un hardcover en carton, holographique. Oui. Ah, ouais. Puis j'ai ça chez nous. Puis ça prend de la valeur dans une collection. Ça, c'est rendu à combien? 100$? Presque. Presque 100$. Ouais, je pense que c'est rendu plus là, ouais. Parce que clairement, c'est sorti out of nowhere. Ouais. Physique, tu sais, c'est à 3DS au début, puis pendant que le monde checkait les jeux Nintendo, puis tout ça, les grosses franchises, ça c'est sorti un petit peu. Salut, puis personne n'a acheté ça. Ouais. Moi j'ai acheté ça usagé au EB Games dans le temps pour des peanuts, là, tu sais. Puis je le savais, sérieusement, je le savais que ça allait prendre la valeur. Ouais. Parce que c'est excellent, c'est Cave Story. Il est vraiment bon. Puis on continue à faire des Cave Story. Je pense qu'ils ont fait Cave Story Plus, que vous pouvez télécharger sur des versions 3DS plus récentes. Ouais. Et puis sur Switch. Ils ont refait Cave Story encore. Et puis ça, j'aimerais vraiment ça l'essayer. Yeah, oui. Ça doit être magnifique. Ouais. Cave Story, c'est une c'est pas mal dans les pionniers des jeux indie. Ouais. Et puis que ça soit encore... Qu'on y rend hommage encore à ce point-là, à chaque génération, ça me fait vraiment plaisir. Ah ouais. Donc, c'est un jeu très important, je pense, pour l'histoire des jeux vidéo. Ouais. Et puis, c'est un excellent port, là, peu importe la version que vous allez jouer. Ah, le personnage est particulièrement cool, en fait. Là. C'est la première fois qu'on le voyait d'une façon un peu plus, je dirais... moderne, puis ils ont réussi, tu sais, pour la personne, il est vraiment beau, cool. Ça, ouais. Non, excellent. Hey, moi, j'enchaîne rapidement pendant qu'on a la toune de Star Fox. Ah, c'est vrai, avec Star Fox 64 3D. Alors là, vous voyez, moi, j'aime beaucoup rejouer à des remasters de mes jeux. Ouais. Généralement, je suis le gars le plus froid à l'idée de ça. Puis la première fois que j'ai vu Star Fox 64 3D, j'étais vraiment pas certain. Puis un peu comme pour Ocarina of Time, finalement, je pense que c'est vraiment la version ultime du jeu. Ouais. Ouais. Donc, encore une fois, c'est le jeu est vraiment fidèle à l'original. On l'a refait, mais vraiment avec le respect, encore une fois, de rester dans le vibe et du jeu 64 pour être le plus près possible un peu de la vision originale. Puis le gameplay a vraiment pas changé. Donc... pour ceux qui ont déjà joué à Star Fox, c'est une espèce de shmup 3D. Ouais. Puis honnêtement, encore aujourd'hui, j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait aucun jeu qui avait été capable d'accoter Star Fox 64 au point où est-ce que Star Fox 64 3D finalement devient le jeu qui est le plus près de ça. Ouais. C'est plus à côté en étant lui-même une suite directe. Donc, c'est vraiment un gameplay qui est assez frénétique. Puis ce qui est plaisant avec ça, c'est que c'est très... c'est très simple à jouer. Il y a pas toutes les mécaniques sont vraiment faciles à prendre en main. Puis ça devient vraiment un challenge de skills par la suite. Ouais. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup aussi de rejouabilité juste pour essayer de battre ton score. Donc le jeu, il y a différentes façons de le compléter. Il y a différents parcours que tu peux choisir. Ça, c'est intéressant parce qu'ils l'ont gardé de l'original, mais on te permet aussi des fois de revenir finalement sur des pattes un peu plus simples. Mais ce jeu-là, tu veux porter attention à tes teammates, tu veux... Bon, il y a les classiques « Do a barrel roll » et tout. Ouais, ouais. Mais tu veux vraiment écouter parce qu'on te donne toujours des indices vers où aller et tout pour pouvoir trouver les chemins alternatifs. Puis il y a vraiment... En tout cas, moi, je suis obsédé à ramasser les médailles dans ce jeu-là. Mm-hmm. Puis pour ceux aussi qui sont plus vieux puis qui utilisent la 3D, justement, c'est vraiment un excellent jeu, justement, pour la 3D. Je trouve que c'est justement... C'est le premier jeu que j'ai essayé sur 3DS que j'ai... Je trouvais que justement ça, l'expérience était parfaite pour ça. Vraiment un plus-value justement de l'avoir en 3D. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est des gros environnements dans l'espace et tout. Donc, ouais, moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur. J'étais pas certain, mais finalement. J'ai joué, moi, ce jeu-là, étrangement, parce que j'avais joué à la version 64. J'avais joué au Super NES. Mm-hmm. J'avais même joué à Star Fox 2. Mais j'avais pas joué à ça, puis comme je m'attendais à rien vraiment, puis j'ai plongé dedans bien raide parce que le gameplay facile. Est parfait. Ouais. Il est vraiment le fun à jouer. Ah ouais, puis même s'ils reprennent encore une fois du vieux design, ils le remettent beau. Ils le remettent juste bien. C'est un hommage. Et puis le tank et tout ça, c'est comme. C'est très bon. Puis je l'ai fini très rapidement, mais il y a comme tu dis, il y a plein de chemin là-dedans. Ah ouais, moi j'avais jamais été un grand fan de Nintendo 64, mais Star Fox 64, c'était vraiment un excellent jeu. Cette version-là, je suis d'accord avec toi, Fred, là, c'est fort. Ben, la 3D pour un jeu d'espace aussi, c'est fantastique. Ça marche vraiment bien. Ça marche très bien. Donc, je vais y aller avec mon dernier titre ce soir. Quelque chose qui m'a complètement surpris. Tu sais, je m'attendais absolument positivement pas à ce que Nintendo sorte un jeu comme ça. Super Smash Brothers. Mais 3DS, tu sais. T'es comme, quand ils ont annoncé ça, là, je capotais, tu sais, c'est comme... Ça va être un fort moyen, Ça, j'étais là, mais pourquoi ils font ça, franchement, ça pourra jamais marcher. Ouais. Puis quand je l'ai eu dans les mains, mon opinion a changé, là, constamment. Tu sais, au début, je croyais pas, puis c'est tellement bien exécuté, là, c'est ultra le fun, bien porté, tu sais, ça se voit très bien à l'écran, même si c'est petit, puis ils ont rajouté un paquet d'affaires où tu peux jouer, tu sais, le jeu multijoueur en ligne fonctionne vraiment bien. Tu peux jouer aussi en versus en local. Un mode qui est comme un platforming, tu sais, où tu peux aller grinder et faire un genre de quest. Tout est là. Pis ça, c'est le jeu ultime, je pense, qui pogne toutes les franchises qu'on aime de Nintendo qui ils ont même commencé à intégrer d'autres compagnies, là, des gens bien connus. Il y a Pac-Man, Megaman, Sonic. Donc ils sont là. Puis c'est très bien. Puis ça, là, c'est un jeu de petit gars, tu sais. C'est vraiment, là, tu sais, ça fait sortir le petit gars en toi, tu sais. Le petit gars de genre de 9 à 10 ans, là, tu sais. Puis c'est tellement plaisant, tu sais. Puis autant, t'as du fun, puis c'est un jeu qui a extrêmement beaucoup de profondeur. Et beaucoup de contenu, surtout. Ah ouais, puis, tu sais. Puis au niveau, tu sais, compétition, tu sais, il y a du monde qui vont jouer à... C'est pas la version 3DS qu'ils utilisent, mais c'est quand même, c'est le même jeu. Là, c'est t'sais. Ça, le core est pareil sur 3DS et sur Wii U. Tout à fait. À l'exception des niveaux et du contenu, finalement, dans le jeu. C'est là qu'il y a une différence, puis c'est vraiment... Mais tu sais, ton expérience portable là, est tellement pis, bonne, puis tu sais, c'est vraiment un jeu, là, wow. Ce qui était cool, c'est qu'ils ont sorti cette version-là avant la version console. Ouais. Fait que tu sais, tout le monde avait cette version-là pour se pratiquer puis se réchauffer et tout. Puis ce qui est le fun, c'est que l'aspect compétitif de justement chacun pouvoir jouer dans son coin puis pas montrer aux autres tes skills et tout, puis tu sais quel personnage tu utilises, qu'est-ce que tu vas faire, puis d'arriver sur console après, de même pouvoir utiliser ta 3DS pour justement jouer sur console. Ouais. C'était vraiment cool. Il y avait comme, moi je me rappelle en tout cas dans mon cercle, il y avait vraiment un vibe de tout le monde se préparait pour ça. Oui, mais tout le monde avait sa 3DS, puis il y avait une metagame qui se jouait là, sur Smash. C'était pas mal cool. Ouais, mais c'est quand même super bien vu. Puis la communauté est encore ultra là, présente. Là, Que t'as joué en ligne. Puis tu sais, il y a eu énormément de DLC. Si vous voulez continuer, c'est un jeu qui a une longue, longue vie. Mm. Là, en fait, tu sais, on peut résumer ça en disant un peu comme la 3DS elle-même. Là, 6 ans. c'est ça tient la route. Ça tient la route, puis elle est encore très vivante. Là, puis, tu sais, on regarde la librairie qu'il y a là-dessus. Là, moi, il y a du stock. C'est clair que j'ai pas tout exploré, puis je vais continuer de jouer à cette console-là. Là, ben, c'est ça, à soir, on a couvert la pointe de l'iceberg. Là. C'est la seule console portable qui reste. Je pense pas que les autres vont s'essayer d'en faire, de toute façon. Non. Ils ont tout le temps été les leaders en portable. Ouais. T'as le grand frère, la Switch, qui couvre un certain marché, mais la 3DS, elle est là. T'sais, elle a... mais c'est quand même une console familiale. Là, t'sais, c'est solide. On a parlé des 2DS. Tu peux les échapper. Ils sont faits tough. T'sais, fait que pour cette expérience-là, là, c'est vraiment une bonne machine. Puis c'est une machine qui a une librairie énorme. Fait que t'as tout le temps du stock à découvrir. Puis il y a aussi des gros jeux là-dessus. Comme là, moi, à soir, je me repars une game de Zelda, c'est sûr et certain. Ouais, ça donne le goût. M'avait redonné le goût, là. C'est trop le fun. Ouais. Fait qu'on va dire les gagnants du tirage. La deuxième question. Ma caméra est fermée, t'as-tu peur? répétons la question. La deuxième question, c'était: Mario reçoit quel costume en attrapant la feuille brune dans Super Mario 3D Land? Dom, c'est quoi le costume? Ben, c'était le saut de Tanuki. Et voilà. Exactement, c'est le saut de Tanuki et on a des gagnants, GF. Et gagnant-gagnante, premier, Melissa Bradley et Lou Champagne. Félicitations! Félicitations. On va communiquer avec vous pour avoir vos adresses postales, pour vous envoyer vos beaux jeux de 3DS. Yes! Fait que c'est ça, fait que on termine ce spécial-là comme ça, tout bonnement. C'était vraiment super le fun de faire ça. On remercie Nintendo of Canada d'avoir communiqué avec nous et puis nous avoir offert la possibilité de faire un excellent show sur les 6 ans de la 3DS. Ah, mais on y joue à ce console-là comme ça n'a pas de sens. Fait que c'est un plaisir de le faire. Puis en plus de ça, comme j'ai dit, il y a tellement de stock à couvrir sur la 3DS que je pense que le show pourrait durer encore 4 heures. Il y a un nouveau Metroid là, 2D. Une chance qu'il n'est pas sorti avant le show parce que il aurait tout détruit le show. Exact. Il y a encore, tu sais, ça continue à sortir le Pikmin. C'est ça qui est le fun. Là. Pikmin, entre autres. Oui, moi, Pikmin, je voulais le racheter la dernière minute là, finalement. J'ai pas le temps. J'ouvre ma machine ici puis j'ai tellement de titres là, que j'ai même pas. C'est incroyable tout ce qu'il y a là-dedans. Ah oui. J'aurais voulu parler de, mais en tout cas. Il y a du stock. Du stock, allez découvrir ça. Yes. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, on termine ça comme ça. Fait que merci Nintendo, merci à tous vous autres d'avoir été là. Yes, on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Ciao tout le monde. À bientôt. Ciao.